macaron, tu m'entends? Je te foutrai un macaron dans la tête. T'enterres à me débloquer mon APL, tout ce que j'ai droit, sinon je fais une descente à l'Elysée et sur la tête de ma mère, je te mets une balle dans la tête. Bien placé. T'as entendu? C'est Cham qui parle. Écoute bien maintenant, Macron. Tu débloques l'argent à n'importe qui. Ceux qui travaillent dur, ils n'ont pas le droit d'avoir l'argent là. Moi, je suis à la retraite. J'étais mannequin, j'ai travaillé partout pour avoir ce que je voulais. On m'a tout volé. Ma date de naissance est sortie à la télé. J'ai dit minuit 28, on cookie, on sort les tollards pour faire d'étanchéité. Quand je vous dis étanchéité, bois Rafa, on s'adresse à qui? Pas à Pondy Nord, mais à Pondy Sud. Mon père est en Algérie, il veut de l'argent. Tu me débloques ça tout de suite. Je t'ai pas dit 1 million d'euros? J'ai 100 millions à te proposer. Tu proposes quoi maintenant? La guerre en France, je te fous le bonbon. Congé trans, exportation, importation. Mon père, il a besoin d'argent en Algérie. Il creuse. Je vais te creuser ta tombe, Macron. Alors attention si tu me croises. Abramène-moi Le Pen. Je veux Le Pen au pouvoir. Vous avez compris? Quand vous serez parlé de la France, avec moi, vous parlerez de bipolaire, vous parlerez de maniaco-dépressif, vous parlerez de lunatique, optimiste, péjoratif, narcissique, marginal, raciste. Je suis pire, je me suis fait violer par des blacks et des arabes. J'ai écrit à Madame Le Pen. Je lui dis, c'est des violeurs. Ils ont pas honte. Ils se montrent devant moi. Baisse la tête quand tu me vois. Je t'ai dit, je m'appelle Cham. Fais gaffe à qui tu parles, espèce de connasse de Nouria. Quand je te dis, je vais voir ma mère, j'ai besoin de 10 balles. J'ai besoin de 10 balles pour acheter quoi? Ça te regarde pas. Si je veux fumer le Toshi, je le fume. Si je veux fumer une JPA, je la fume. Si tu veux voir Jean-Pierre Papin, Bernard Tapie, Laïa Hamon. Quand je te dis, j'ai débloqué l'argent pour les footballeurs, tu m'appelles qui? Moi, je t'appelle Zidane. Tu m'appelles qui? T'appelles qui? Berry? Attends, je vais te ramener Trezeguet. Moi, je te ramène Platini. Tu m'appelles qui? Carl Lewis? Attends, il fait quoi, lui? Il fait quel sport? Attends, Carl Lewis? Tu fais quoi? Tu veux qui encore? Tu veux que je te ramène qui à la maison? Tu veux que je te ramène mon homme ou toute la terre en France, du monde? Alors, quand vous vous adressez à une femme, vous lui dites bonjour, au revoir. Quand on vous demande une clope, si tu veux fumer, tu vas fumer avec ton mari. S'il n'est pas content, tu bouges. C'est clair? T'es pas contente, tu bouges. Si tu sais pas te taper avec un mec, tu vas te faire enculer par qui? Ton mec. Ok, chacun son mec. Non, mais j'ai pas rien à dire, je me suis exprimé. Excusez-moi d'avoir été aussi agressive avec vous. C'est que je supporte pas qu'on me regarde dans la rue. Quand je vous dis je suis démuni, que je dois de l'argent à tout le monde, moi je dois de l'argent à personne. Je suis riche. Bandi, c'est moi qui l'ai reconstruit. Alors qu'on arrête de me parler de un tel. Moi je dis Clara, c'est à qui je veux. Je suis algérienne, mâle et triple nationalité. Je vous fais des falsifications de papier, des falsifications de blanchissement d'argent. Vous voulez débloquer combien? Il y a des pauvres qui meurent de faim. L'Afrique, vous savez qu'en Afrique, il y a un village qui s'appelle Boukarafa. Alors quand vous parlez à une Baharafa, vous adressez pas à Bondy Nord, adressez-vous à Bondy Sud. Nous, on retape les baraques. On vend pas des mammes, on vend pas des moutons. Si vous savez pas de bah un mouton, je vais vous ramener une charcola dans la tête. Ça va? J'ai été clair? Bon. Ben, je casse ce que je veux. Je travaille avec du zinc, moi. Tu veux mettre une balle dans la tête, vis juste. Mais moi, je te mets du gibet sur ma tête. On va voir si tu me vis juste. Connard, moi. Je descends dans quelle cité que je veux. Il y en a un qui parle avec moi, je leur recule. C'est clair, avec un concombre. J'ai été clair? Ça va? Tout le monde a compris? Ah ben, tu peux enculer qui tu veux avec un concombre, hein. En plastique, on met de la capote surtout. J'aime les légumes, mais pas à ce point. Je mets la capote avant, moi, de lui mettre le concombre dans le cul. Je te disais, j'aime les légumes, mais pas à ce point. Mais moi, je suis... T'as de drôles d'idées, quand même. Je parle franchement. Ils ont réélu Macaron. Ils ont cassé le patrimoine. Ils réélusent Macaron. Ils n'ont pas compris que Le Pen, elle a bien compris. Vous avez vu l'histoire de Le Pen. Elle a subi une injustice. C'est pas son père, elle veut la réconciliation. Qu'est-ce que vous comprenez pas dans Le Pen? Elle est pas raciste, elle a subi une injustice. Écoutez-la parler, vous parlerez comme moi. Alors vous réalisez Le Pen au pouvoir, sinon je vais vous faire le ramadan surprise. Et Jamila, je vais dire un truc. Non, c'est pas Dja. Déjà, vous m'enlevez le pied déjà. Il y a un J-A-M-I-L-A. Jamila. Excuse-moi, je suis Céfran. Excuse-moi, je vais d'avoir. Attends, j'entends pas. Je voulais juste te dire un truc. J'aime le FN. Pour le contrer, le seul truc. J'affronte. Pour le contrer, le seul truc, c'est de voter. Maman, j'ai voté Le Pen, elle n'est pas passée. T'as voté Le Pen ? Ouais, j'ai voté Le Pen, elle n'est pas passée. J'étais à Furcy, ils m'ont dit, il faut votre pièce d'identité. Je sais pas, je vais faire mes papiers. Je peux te voir deux secondes ? Non, on enchaîne. Alors, excuse-moi, je vais pour voter. J'ai plus de pièce d'identité. Je ramène mon permis de conduire, ils me disent, c'est pas une pièce d'identité. Je ramène le papier des keufs. Elle me dit, c'est pas une pièce d'identité. Alors, je vais à la mairie pour faire ma nationalité française. Les keufs, ils n'avaient pas tapé sur votre papier de perte. J'ai perdu ma pièce d'identité. Mais il faut que je paye 25 euros d'amende de temps pour me la refaire. Ben, je ne sais pas quelle nationalité j'ai. Je suis double nationalité. On va me dire, j'ai un Américain chez moi. Il va m'emmener en Amérique. Je dis, 21 James Street. Je dis, you never make me this, some take you well over me. I know you every move, so want you just let me be. I felt it. Dirty Diane! Vous connaissez Michael Jackson? Who is it? Moi, je vais te dire un truc qui va peut-être. She disappeared in the mind. Who is it? Je vais te dire un truc qui va peut-être. Somebody love my son. Ne me choque, ma chérie. Je pense que tu normalement. Tu peux me parler comme tu veux. Moi, j'écoute Michael Jackson et quand il parle, je l'écoute. Quand il dit Dirty Diane, il s'adresse à la reine de. Pourquoi soprano, il me dit, si j'avais le pouvoir de macaruna, je lui mets des macarons aussi à soprano. Il se prend pour qui? Et quand ils ont tué Coluche, ils ont tué Balavoine. Non, Balavoine, Aziza, ils ont tué. Pourquoi? Il dit, si j'étais là au bon pouvoir, mais moi j'ai le pouvoir de me télétransporter, arrête de faire du soprano avec moi, ramène-moi assassin. Embrouille sur embrouille, tous les jours la même merde, les mêmes têtes de cadavres, les mêmes vies qu'on peut perdre. Pourquoi toujours des sales phases? Pourquoi toujours des sales phases? Ça m'arrête, ça gamberge, ça veut niquer la base. Mais viens dans ma zone, après je te dézone, et après je t'encule au prochain tour, non? Attention, lequel? Le droit ou la gauche? Ah, vas-y, tu veux me choquer. Je vais te choquer encore plus, moi. Moi, je savais peut-être te choquer, mais moi, je suis quelqu'un de franc. Quelqu'un moi, je dis ce que je pense. Mais je pense pas à ce que je dis. Je peux parler un petit peu ou... Voilà. Alors, les personnes qui votent en vote, ce qu'ils appellent en vote refuge, c'est-à-dire quand ils ne sont pas d'accord avec tout ce qui a été dit par tous les partis, ils se mettent à voter FN. Moi, je leur dis, votez communiste. C'est déjà moins con que le FN. Non. Si vraiment tu as besoin de faire un vote refuge, va pas voir les ordures. Ne leur donne même pas une voix. Le Pen, pour moi, c'est une ordure. Non, et toute madame, sa famille. Madame, c'est pas une ordure. Et je te dis que si tu veux faire un vote refuge, vote communiste, ce sera plus intéressant. Tu ne me verras jamais voter pour le FN. Moi, j'écris à jusqu'à la mort, jamais je voterai pour le FN. Je voterai Le Pen jusqu'à ma mort. J'ai écrit à Le Pen. Je sais pas comment. Je me suis fait violer. Quand elle parle à Macron, t'as vu comment elle le met à l'amende? Je sais pas comment ils t'ont convaincu, mais c'est dommage. Personne ne fait de lavage de cerveau. C'est moi qui vais te laver ton cerveau. Moi, je vais te dire que j'ai la chance aussi d'être, dans une famille qui m'a appris les bons principes. Ah, tu veux dire que je suis mal éduquée? Non. Que j'ai des mauvais principes? J'ai dit j'ai de la chance d'être dans une famille qui... Moi, j'ai dans une famille qui me détruise. Alors, je fais quoi? Je les renie? J'en mets une bombe au 10? Non, moi, je te dis justement que c'est de la chance pour moi d'avoir une famille qui m'apprend les choses. Et grâce à eux, je pourrais voter. Je lui amène les livres. Et parle de livres avec moi. Tu m'éduquais quoi? Le monde, je t'écris le monde. Près de ma blonde, qu'il fait bon. Maman, près de ma brune, qu'il fait dur. Ah, vous dirais-je, maman, ce qui cause mon tourment. Papa veut que je raisonne comme une grande personne. Moi, je dis que les bonbons valent mieux que la garçon. Après, je dis que j'ai acheté des bonbons Haribo Crocodile. C'est pas pour tout ta crocodile sur ta face. Je sais pas de manger Haribo. Je fais des addictions au sucre. Je ne fume pas, je suce les sucettes. Quand je vous dis j'ai besoin d'une clope, c'est pour me calmer. pas du shit, une clope. Et c'est du GPS, sans S, comme GLN, G-E-L-E-L. Son père est juste, son père est enculé, enculé. Voilà. Ouais. Bon, mais maintenant on va entendre Jean-François Océane qui a des choses à nous dire et il va nous annoncer les programmes de Radio Métanoïa pour aujourd'hui, 1er juin 2022. Ici la radio Pedro Serra, ingénieur du son Martin, Jamila animatrice, Jean-François Océane animateur. Il y a différentes personnes qui vont s'exposer à rédiger leur thème. Alors bonjour, ici Radio Métanoïa, celle qui vous fait parler du futur, de l'avenir et qui vous fait... Laisse parler. Qui vous fait rêver de la vie heureuse, de la nouvelle vie heureuse qu'on va mener. Inch'Allah. J'espère. Avec Poutine. Rasputin. Rasputin. Rasputin. Il doit avoir. Qu'est-ce qui se passe? Le robinetterie en or et le. Mabi. Non, c'est pas possible. Toi, t'as une façon de couper la parole que j'adore. Arriva! Grosso minuto, si, je suis la souris la plus rapide de Mexico! Oh, il attrape cette souris. Ça change rien. Ça change rien, il faut tout changer, il faut tout retaper. Mon colonel, je n'ai pas vu la souris dans la forêt, mon colonel. Mais moi j'ai vu un pigeon, non c'était quoi dans la... En psychiatrie. Bon, on va se renseigner un peu là parce que... Ça y est, tout le monde avait compressé un peu. On va faire le programme, comme il a dit Jean-François, il a annoncé le programme. Jean-François va nous donner un peu le dièse, le compas. Est-ce qu'on peut me dépanner une cigarette, histoire que je parle plus? Vous n'avez pas tiré, histoire que je parle plus. On va mettre Rasputin. On va faire la playlist aujourd'hui. Il y a Rasputin déjà. Eh hey, bonjour. Alors la playlist d'aujourd'hui. Attends, je vais dire. La playlist d'aujourd'hui, on va mettre Rasputin. Quelle autre chanson là? Faut noter. Tu peux noter la playlist s'il te plaît, Jean-François. Merci. Ton prénom, j'ai oublié. Nadine, bienvenue Nadine. Nadine, c'est qui Nadine? Vous la connaissez Nadine? Nadine, c'est qui? Une nouvelle recrute de la radio. C'est moi. Voilà, elle est là. Tu es déjà fermée? Non, du tout. De quoi vous voulez parler Nadine? Là, arriver comme ça, déjà, je veux dire bonjour. De quoi je veux parler? J'ai pas trop réfléchi, à la limite peut-être chanter une petite chanson, s'il y a le temps. Voilà, chanter c'est quand même parler. Bon, allez, on y va. Petit A, Dominique. Attends, Dominique. Quoi? Attends, Dominique. Quoi? Arrête, on va faire ça bien. Crois-toi tout seul. Ah, moi je veux tout seul. Dominique, Ocniso pour les salauds. Mesdames, messieurs, bonsoir. Si on dirait que Longchamp, le terrain était un peu boueux, mais le tiercé se fera quand même. Yves Saint-Martin sur son berger allemand, d'Obernoine, et tout. C'est Léon Citron, mais je le fais mal. Hein. Ah non, tu fais bien. Non, c'est bien. Mabi, c'est pas vrai, c'est pas possible. Mon colonel! Je n'ai pas vu Adrienne dans la forêt, mon colonel. C'est grave. Tu t'es faite, Adrienne. Adrienne. Je sais pas quoi dire, Adrienne. Elle est morte, mon colonel. Bon. Mon colonel. Ça, ça vole pas loin. J'en ai marre, ça résonne pas. Ben si, ça résonne. Vas-y, vas-y. Eh, hey, bonjour. Allô. Allô. Magali. Magali, je suis à... Chante ta chanson. Bonjour. Ah bah attends, moi je sais pas. On fait le programme là. On fait le programme là. Tu veux parler de quoi, Nadine, aujourd'hui? Je sais pas, je... Tu peux inventer, on peut parler de tout ce qu'on veut. On parle de la géopolitique, elle va parler des projets, c'est ça. Tu vas amener tes poèmes, toi? Alors, moi, les dernières fois, j'ai beaucoup parlé des techniques du copier-coller en littérature, aussi en ergo, aussi de l'image. Et donc, ce sera pour parler... Ce sera pour parler du copier-coller en littérature avec, pour illustrer, l'écrivain Burroughs, William S. Burroughs, et le livre La machine molle. Vous expliquer comment c'est fait. Parce que c'est avec du copier-coller. Copier-coller en littérature, quoi. Comment l'appelait ça, William Burroughs? Le catap. Ouais, catap. Catap. Voilà. Monsieur... William S. Burroughs. William Burroughs. William S. Burroughs. B-U-R-R-O-U-G-H-S. Ouais. Donc, William Burroughs. On va mettre la voix de William Burroughs aussi. Comment William S. Burroughs. Like, B-U-R-R-O-U-G-H-S. Qui a pas entendu? B-U-R-R-O-U-G-H-S. R comme Roméo, deux fois. O comme Olivier, U comme Ursule, G comme Gérald, H comme Hôtel. Et un S comme Suzanne. William S. Burroughs. Yes, I don't understand. I want to Coca-Cola. Burroughs. Burroughs. Voilà. Burroughs. Tout le monde parle, parle au micro. Hein. Parle au micro. Vous voulez que je lise maintenant le texte pour ça, on voit si attendez, c'est... Attendez, I want to Coca-Cola. T'es la septième, ma petite fille. I want to Coca-Cola. Do you tell me? Réfléchir. Ok, ça marche. J'ai mangé des Coca-Cola. Mais c'est pas grave, ça, tu peux lire ça. C'est pas grave. Et j'avais une petite phase d'intro au tout début. C'est un petit truc, c'est tiré d'un horoscope, mais c'est pour n'importe qui. Chacun qui veut s'en servira. Mais tu sais, comme c'est l'horoscope et la voyance, tu diras ton truc avant. Mais c'est juste une petite phrase d'intro. En fait, c'est de la numérologie, mais moi, j'ai pas retenu pour qui c'est. C'est la phrase, le petit truc que je trouve sympa, ça ouvre la séance sur un peu d'optimisme, d'art et tout ça. Attends, je vais te mettre un pied de micro. Comme ça, tu veux que je le lise? Oui, attends une seconde. Tout semble uni pour vous donner la pêche sourire. Attends. On vous offre un passeport pour l'amour et la création. Certes, quelques inconséquences financières et excès de plaisir sont en vue, mais vous vous rendrez bien vite compte que la vie vaut le coup d'être vécue. Oui, je trouve ça sympa. Voilà. Quoi? J'ai dit bonjour, excusez-moi d'être en retard. Je vais les mettre. Je vais demander l'autorisation. J'ai dit bonjour tout le monde, excusez-moi pour mon retard. Ouais, elle dit excusez-nous, on va excuser quand même. Elle a amené, elle a fait un boulot, elle a amené. Non, je ne parle pas de ça. J'ai dit l'autre fois, je l'ai vu au bâtiment, je ne peux pas dire bonjour. Ah, où ça? C'est quoi bâtiment? Bah, où tu te balades là? Le Bondinor, où il y avait. Non, Potager. Parlez au micro, s'il vous plaît. Moi, je sais pas ce que c'est, bâtiment. Micro. Bah, où tu me vois? Le potager, le bâtiment S, en face de Jean Renoir, où il y a la Croix-Rouge. Tu connais pas Jean Renoir? Moi, je me balade des fois avec mon vélo, des fois. Voilà, le potager, voilà. Le resto du cœur, en face de Jean Renoir, où j'ai fait mes études, ils m'ont mis zéro au bac. J'ai dit, ah ouais, moi tu mets zéro, j'ai des 14 ans. Je sais même pas où c'est. Tu mets zéro. Bah, j'étais en vélo ou à pied? Ah non, tu te baladais. Bah, pourquoi tu m'as pas attrapé? Bah, comme ça, il a t'attrapé. T'es fatigué peut-être, je sais pas. Bah, t'as du buggy. Mais si t'as fait la couleur de loin. Bon, parce que moi, je mets pas mes lunettes. Alors, faut venir. Faut venir. Je suis myope. Alors, avec la couleur et tout, je t'ai pas reconnu, tu vois. Sinon, je t'aurais demandé des trucs parce que j'avais besoin d'une réponse tard. Ai-je le droit de mettre des bonbons? Oui, on peut partir. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais j'ai envie de fumer, j'ai envie de Coca-Cola, j'ai envie de tout. J'ai rien. Je fais des addictions bonbons. Eh ben c'est bien, c'est pas une mauvaise addiction. Voilà, c'est pas la cigarette. On m'a tellement dit que je fumais, j'ai dit, je vais finir par fumer. Je planquais. Je vais parler des sans-abri. Moi, j'en prends une grosse poignée, j'aime les bonbons. Ouais, ça va. Je n'arrête pas, j'aime les bonbons, j'aime sucer des sucettes et pas faire des fellations, bon, de trou du cul. Je suis pas grossière, fellation, ça fait partie du dictionnaire. Ouais, je suis sucer un coca. À tout prix. Non, franchement, c'est pas sympa, ça. Il faut laisser aux autres. Voilà, un collectif quand même. Non, je suis pas collectif, je suis unique. T'es en forme aujourd'hui, hein? Je suis en forme, j'ai pété le champagne. Bon, le club. Ouais, on a déjà le programme de jour. On est déjà en direct sur Internet. Et à 17h, on est en direct sur l'onde FM digitale, DAB, à Mulhouse et à Paris. Quelle est la fréquence, s'il vous plaît? Pinote. Ah, déjà, sur Internet, tu as ça. Tu cliques sur p-note.org. Et vous savez Internet? On l'a écrit à la porte l'autre jour. Les personnes âgées ne connaissent pas Internet. Je suis là pour les aider. Mais on me demande, vous ne pouvez pas m'aider. Oui, mais les aides, je travaille. Vous ne pouvez pas me payer? Ouais, c'est non, elle veut tout gratuit, Madame Béguin. Tu vois, Metanoia. Son filleul est au Sénat. J'avais le diplôme du Sénat, j'ai pas pu y aller. Il y en a une qui m'a fait un gris-gris. Le 21 Jump Street, là, je vais la virer, c'est la quécrème. Là, c'est direct sur Internet. Je parle des cotages, là. Et à 17h, c'est en direct sur le zone. Alors, toi, Tiwan, tu dégages de là avant que je te mette une balle dans la tête avec ta sorcellerie. Nouvelle radio digitale. C'est mon pavillon. Et là, ça passe à Paris, à Mulhouse. Et on retrouve sur ce comment, site, toi, moi. Ouais. L'émission de la semaine, toute non, la semaine. Non, j'ai pas encore. Il faut que je me mette en. Je commence à mettre en ligne systématiquement. Ah, ouais. Parce que ouais. J'ai beaucoup de demandes de gens. Ouais, non, mais ça, il faut. Ça, c'est mon truc à faire. On a pas ramené des langues de chat. C'est qui le jeu qui est d'anniversaire? Non, mais c'était l'assiette, voilà. Oh, c'est tout. C'est beau. Je sais pas, quand j'achète des bonbons, j'achète pas 10 balles de bonbons. Oh là. Tiens, on va se plaindre. Donne l'assiette. Non, j'ai des bonbons. Justement, ça s'appelle ici Metanoia parce qu'on est au vac. Ah. Pourquoi on laisse pas Vincent Daguet venir me chercher en psychiatrie? C'est l'antidote c'est quoi, de la paranoïa. Donc la métanoïa, ça veut dire qu'on on va aller au-delà de nos peurs, de nos. Mais moi, j'adore l'adrénaline. Ouais, tu fais du ZZ où tu veux. Mais oui, mais. Comme Hugo, c'est dans merde, cela. Il faut faire des allers-retours en adrénaline. Moi, je fais que ça. Aller-retour. Non, moi, je suis dans le futur. Pourquoi tu fais aller-retour? Moi, je te fais un aller simple. Pas aller simple, on part, on revient plus. Mais non, mais après que je vais à Roissy, je vais un aller-retour. Ah oui. J'ai travaillé là-bas, c'est ce que je vais à Roissy. Ah oui. Tu faisais quoi à Roissy? Le ménage. Je me suis fait virer de l'école. Ouais. J'ai tellement bien parlé le français. L'autre mademoiselle Gabéda, quel cancer, elle doit être morte, cette connasse. Elle m'a mis 0 au bac. Alors qu'avec madame Arizi, je me tapais des 14 sur 20 en maths, en français. On étudiait Molière. Elle me dit, vous voulez texte? Je dis, ben, je sais pas, ma soeur, elle a étudié alcool d'Apollinaire. Moi, je vous dis, j'ai le médecin, j'ai une maladie imaginaire qu'elle vit. Je dis, je vais voir le médecin malgré lui. Alcool d'Apollinaire donné... Le livre Apollinaire, oui. Ouais. Bon, on est là dans plein de poésie aujourd'hui. Il y a William Burroughs, oui, il y a. Ben, je lui dis, il y a une maladie imaginaire. Je dis, ben, je vais voir le médecin malgré lui. Il y a Donjon qui m'a pris la tête. Il m'a dit d'aller voir les formeries de Scapin. Ouais. Il y a mon Romain Boranger qui m'a dédié à Molière. Ou un Oscar, je sais pas, je l'ai pas trouvé. Je suis sorti avec Jérôme Sabatier, il m'a piqué 300 balles et m'ont brûlé le visage. J'ai porté plainte, je sais pas, j'attends mes thunes. J'ai porté plainte contre tout le monde, j'ai pas de thunes. Je sais pas, c'est quand qu'il arrive à mon courrier là. Vous connaissez pas 4 années de fursi? Il faut quoi là? Les pompiers, ils savent pas où c'est. Ah, par contre, les keufs, ils savent bien. Hein. Ils savent bien fouiner chez moi. Hein. Ah oui. Bah, je sais pas, j'ai vendu le jour de la coke. Bah, peut-être, j'étais en Colombie, je sais pas, j'ai dû me stiffer. Encore de la coke. Bah, je sais pas, je fais des transmissions. Ah, je fais de l'exportation, importation bonne de con, j'ai trans. Quand je te dis con, ça veut dire je t'exporte et t'importe. Trou du cul. Trou du cul. Ouh. Oh, tu fais que m'énerver, toi. Non, mais je ne m'énerve pas. Pas du souci, pas du problème. Sakamaché, Sakazuke, mais vouloir parler avec moi, t'es affiché tout de suite. Oh, tu fais que des bêtises. Je fais rien. Qui Stanley. Bêtises. Oh, c'est le parfait spray. Bêtises, quand t'es pas là, j'ai mis le feu sur le tapis. j'avais envie de chocolat. J'ai pas vu ma maman partir, elle m'a dit je reviens. Mais qu'est-ce que je fais? Je fais rien que des bêtises. Des bêtises. Quand t'es pas là. Ben pourquoi? C'est pour me faire remarquer. Ben par qui? Ben tu m'as jamais vu. Tu me dis jamais. Ben je suis toujours là. Tu me dis t'es où? Ben je suis derrière toi. Où? Ben derrière, devant, viral. Alors quand tu parles, les autres sont des meubles. Ben Jean-Jean, ben on m'a toujours pris pour un meuble. Il me dit je t'en bats. Ben où? Mais où? J'ai mon père. Tu m'as marqué où? Au Comico, qu'est-ce que j'ai fait? I-O-U, c'est pour l'aide de la colade fameuse. Tu connais les conjonctions de surcoordination? Vous connaissez la CEE, Communauté Économique Européenne? Vous connaissez la France? Vous savez faire des transactions, des transfusions, des transmissions? Tu veux quoi aussi? Tu veux que je te mette de la cocaïne dans le jean? Elle avait une orange sanguine? Overdose? Tu veux que je te over? Oh là, je fais des overdoses, moi. Trop du cul. Attention avec le micro. Je fais attention au matériel. S'il te plaît. Hein? Bon, là, ici, on freestyle, là. Jamila. Jamila, voilà, elle est totalement freestyle. Jamila, y a pas de... Voilà, c'est mon accent, si tu veux. Je peux pas faire. IVG, t'es gêné. Au micro, là, on entend. C'est Jamila, y a pas de IVG, y a pas de TGV, y a pas de Rabadier. On va faire le Ramadan. Mais c'est bien quand tu joues avec les lettres comme ça. Ramadan. Ratirala. Vas-y. Ratkouad. Ouais, c'est bien de jouer avec les lettres. Ratichelev. Mon père veut du genre. Je lui envoie ce que je veux. Je fais ce que je veux avec mon père. Il me dit j'ai besoin de 5000 balles. Je lui débloque 5000 balles. Je lui envoie au bled. C'est foirant. Bon. Alors, Jean-François Ossiane, c'est quoi le programme de jour? On va commencer par quoi? Alors, bonjour. Bonjour, c'est la radio Métanoïac, celle qui vous parle du futur, de l'avenir et qui vous fait rêver pour la vie. Vous avez comme programme Dominique, bruitage. Qu'est-ce que vous en pensez? Et imitateur aussi. Imitateur, c'est connu. Vous avez. Vous avez Marc qui veut parler des sans-abri. Ça, c'est un gros problème, les sans-abri. Je ne fais que les aider. Il y a beaucoup de constructions, mais tout est avant. On n'a pas de logement. Pourtant, il y a des logements sans facture. Ça, c'est bien à vendre. Maintenant, nous, on ne veut pas à vendre, on va à louer. Moi, j'ai tout loué, moi. Après... Je t'en prie, Jean-Marc. Non, mais ben, oui, Jamila, il faut laisser que Jean-François présente tout le monde déjà. Donc il va te présenter. Je sais pas, on m'entend pas. Tu as pris le micro, tu le lâches plus. Mais bon, il faut. Non, il faut quand même que chacun puisse parler. Bon, on va te laisser à la fin, toi, Jamila, parce que comme ça, on aura le temps de pouvoir parler. Bon, donc on va commencer comme ça. On va d'abord. On a encore 20 minutes de préparation, hein. C'est à 5 heures le direct, mais là on est déjà sur internet. Donc il va y avoir 5 minutes de bruitage, d'animation pour mettre de l'ambiance partout. Après, c'est qui, c'est Marc? Dominique, prends le micro, Marc. Prends le micro, Marc. Un, deux. C'est quel numéro? Tu peux me dire quel numéro c'est? Après, c'est Marc. Trois. Moi, c'est quatre. Un, deux, c'est bon, oui. Un, deux, c'est bon. Marc, tu veux parler des sans-abri? Vas-y, Marc, t'as la parole. Voilà, tu veux parler un peu? Attends, je présente d'abord les gens, celle que je vous ai insultant, s'il te plaît. Elle fait n'importe quoi. Vas-y, parle, Marc. Alors, parle après, Marc. Bon, on commence par quoi? Non, mais parlez pas en même temps, parce que moi, j'arrête. Arrête! Non, allez, jamais, là, laisse. Chacun peut avoir sa place. Magali? C'est Magali? Oui. Magali qui veut parler, Magali de... qui veut parler des copier-coller en littérature de Williams Serge. William Burroughs. William S. Burroughs. D'accord. Il est américain ou anglais? Burroughs. Et Nadine qui veut parler de... Nadine, tu veux parler? Qui veut chanter une petite chanson? Tu chanterais une petite chanson? Ah, attends, Jasmine, laisse. Non, vous sortez. Hein. Tu devais avoir deux personnes qui devaient faire un duo aujourd'hui. Micro, micro. Ah, tu dis, il y en aura. Ton micro. On va faire un duo. En gros, j'ai dit, Quoi, Nadine ? Tu joues, je chante aussi. Moi, au final, moi, je sais pas trop, parce qu'il y avait deux personnes qui voulaient faire un duo. J'ai dit, non, mais ils sont pas là. Non, mais elles sont pas là. Voilà. On annule. Bah, ça va direct. Bon. Je viens les dercer. Je te promets le sel d'un baiser de ma bouche. Tu veux chanter quoi, Nadine, tu veux chanter quoi, Nadine ? Bah, à m'allancer sur du Johnny, on peut faire peut-être du Johnny. Voilà, du Johnny pour le un petit hommage. Laura ou un petit porte des pénitenciers, je sais pas. Ou Diego. Oh, Laura. Non, j'aime pas Laura. Comme il voulait chanter en duo Laura, je vais peut-être lui faire toute seule. Je vais peut-être lui faire si tu veux le faire avec WAM. Moi j'ai dit je te promets. Oui, après la musique ça se partage, alors viens chanter oui, avec moi. Oui, vous pouvez chanter à deux, c'est bien quand vous chantez voilà, à deux. Ouais. On peut même chanter à deux. Mais faut qu'on se mette un peu les paroles. Et on va faire un peu un playlist, hein, parce que moi j'ai... Moi je connais pas Laura. Moi je connais Marie. Bah... Je connais Jim Berkey. Moi je connais pas Laura, je connais que la souris. Moi je connais Gainsbourg, la Yahmo. On va peut-être appeler Jim Berkey. Allez, mets-moi déjà Berkey. Bah là, je vais faire Laura pour Florent, comme il m'a fait un coucou la semaine dernière. Bon, bah moi, je ne sens pas, je connais pas Laura. Moi, Laura, elle est où, j'en sais rien. Je connais les Laetitia Castel. Ou Laetitia Johnny, ou je sais pas quoi. Il faut faire la playlist, alors, de chansons. J'ai Rasputin. Il manque... Quelle autre chanson on veut mettre ? On n'a pas le temps, hein. Rasputin de Monet. My father, ingénieurs surtout. On a besoin d'ingénieurs, puis il y a un ingénieur animateur. Bon, papa. Peut-être qu'il veut parler de quelque chose. Ah, monsieur Héroux. Bonjour, monsieur Héroux. Oui, je voulais dire. C'est bon, ça marche là ? Oui. Comment va votre métier de psychiatre ? Eh bien, ça va, mais là, tout le monde parlait un petit peu du film Funambule. Vous l'avez vu ou vous non, avez pas joué vu. Dedans ? Vous êtes non, plus très très bien. Je voudrais bien une affiche de ça. Oui, bah, il faut demander, vous prenez celle-là, hein, carrément, si vous n'arrivez pas à la voir. Moi, je voudrais bien avoir une voilà, affiche. Donc c'est vrai que dedans, il y a Johan aussi de la radio, qui est vraiment aussi merveilleux dans ce film. Voilà, en même temps, c'est totalement vrai, il n'y a pas de... C'est pas du chichi, c'est pas du jeu, c'est du jeu, mais c'est en même temps la réalité, à la fois d'une expression vraiment humaine, d'un moment particulier de crise de certains. Mais c'est tellement fait avec poésie, ce film, avec beauté au niveau du respect de la personne qui pourtant, à certains moments, Johan, il s'adresse à son père, il lui dit « Papa, j'ai le rythme grâce à toi, mais pourquoi tu nous as laissé tomber ?» Enfin, il va mal à un moment, mais voilà, on se dit pas « Oh, le pauvre malade, il va pas s'en sortir. » Monsieur Biaz, on le voit danser et tout. C'est, le bordel. C'est trop classe comment il danse, alors qu'on sent qu'il n'est pas en pleine forme, mais il danse, on sent qu'en lui, il y a vraiment la danse, oui. La maîtrise du corps... un côté vraiment professionnel malgré la maladie entre guillemets. Malgré quoi ? La maladie. Ah non, je ne l'ai plus la maladie. Oui, mais là, on voyait votre appart. On se dit tiens, il est en pleine forme. Lui, j'avais une maladie qui a été créée par la famille parce que moi j'étais tout à fait normal. Mais quand on voyait l'état de l'appartement, on est surpris parce qu'on vous voit. Ah mais c'est, non, mais si vous voyez l'état de l'appartement, je vis avec quelqu'un effectivement, mais tout cassé. Ah, c'est quelqu'un qui vous avait tout cassé. Il m'a tout cassé, mais j'ai mis du temps à ce qu'il range tout, mais j'ai tout. Alors je refoutu le bordel pour qu'il barre. Voilà. Et la troisième personne, là, c'était ce monsieur qui, lui, va très bien, mais syndrome de Diogène, là, dans son appartement dans Paris. C'est 150 mètres carrés rempli à ras-bord. Vous n'avez pas vu le film, mais voilà, avec sa femme qui pète les plombs parce qu'on ne peut plus pénétrer dans l'appartement, et lui qui est artiste et qui stocke tout pour faire des sculptures. Il y a aussi cette jeune fille dont les parents sont inquiets en se disant qu'est-ce qu'elle va devenir quand on va vieillir. Voilà, il y a notre jeune, là, celui qui est sur l'affiche avec la casquette, on voit moins. Et puis surtout, on voit aucun soignant, à part un moment le docteur Cheltiel chez vous. Ah oui, chez moi, il y a voilà. Et on voit un infirmier. Mais surtout, c'est que des, entre guillemets, des patients. Il n'y avait pas d'infirmier. Voilà. Il n'y avait pas d'infirmier. Excusez-moi, on est en train d'enregistrer, là. Eh oh, Marc. On est en train de faire un direct, là. Voilà, donc du coup, c'était un très beau film. Avec une sensibilité, donc c'est Funambule de Ilan Klipper. C'est passé donc lundi après-midi. On est allé là-bas avec le CATTP, l'équipe, etc. Mais moi je l'ai vu à Montreuil un mois auparavant. Voilà. Et j'ai pas été déçu. J'y suis allé parce que c'est le service, mais je trouve. De toute façon, dans toutes les familles, trop à partir du moment où il y a dans la famille un qui gêne, on le fout en psychiatrie. À chaque coup, c'est comme ça. Oui, mais il n'y a plus de place en psychiatrie. Quand ça gêne dans la famille, allez, ils balourdent ça, ils craquent le dernier ou le premier, ils s'en foutent. À partir du moment où ils dérangent la famille, ils craquent en psychiatrie. Mais en quoi vous gêniez la famille, vous ? Hein ? En quoi vous gêniez la famille, vous ? Ben, j'étais tout petit et puis j'étais indépendant. Ouais. Et là, vos parents sont toujours vivants ? Ils sont décédés ? On m'a accusé d'enlever une petite fille et puis d'avoir tué mon père. Alors, vous savez, quand j'ai su ça, je suis tombé sur le cul. Hein. Bon, de toute façon, vous êtes toujours libre, hein. Ça veut dire que vous ne l'avez pas fait. J'ai jamais fait ça c'est les relations à ma belle-sœur, c'est pas les miennes. Ouais. Et quand on discute comme ça, on entend les paroles externes ou pas, là, parce qu'on est en direct ? Bah oui, on entend. Bon. Ok. Martin, je te rends le... Parce que c'est difficile de parler tout en... Voilà, soit on fait une émission, soit... Mais c'est surtout... Là, on fait les programmes... Ça, et il y a des gens qui peuvent m'appeler sur mon téléphone à 17h si vous voulez passer, faire une question. Et Jean-François, tu vas faire la voyance aujourd'hui ? Oui. Voilà, Jean-François, il va nous faire la voyance australe. Donc le programme est complet. Hey, il manque Florent, je vais aller chercher Florent en bas. Florent, ouais. Annie. Florent Pagny. Florent, parce qu'il voulait participer. Savoir pas, et partir sans aller. Et voilà, est-ce que. On a fait la playlist hier à Poutine, il y a quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'on va écouter aujourd'hui ? La sécheresse. C'est quoi ça? C'est une chanson dans de qui? Dans le monde, il y a écrit qu'il allait avoir la sécheresse. Mais ça, c'est une chanson ou pas? Non, ça n'existe pas. Bah, la sécheresse, je peux vous la chanter. Il va y avoir la sécheresse. Mais prends le, télé... prends le micro. Bah, je vais vous chanter la sécheresse. Bon. Alors, on va inventer une nouvelle chanson pour rendre hommage à la journalité. Je vais vous chanter la sécheresse en vous promettant des choses. Alors, il va y avoir la sécheresse dans le monde entier. Mais si vous êtes malin, épuisez des puits. Surtout blindez bien vos caves d'eau et de pâte. Il n'y a que de la sécheresse, ça va bien arriver. Vous allez rien comprendre, vous allez vous étouffer. Vous allez ouvrir vos fenêtres, il y aura des moustiques qui vont rentrer. Mais mettez des anti-moustiques, des anti ce que vous voulez. Des trucs à balka, des trans à tout vous voulez. Mais moi si je vous couille, je vous couille au prochain tour, non. Moi tu me dois 50 000, j'attends mes 50 000. J'attends mes 10 millions, j'attends aussi mes 10 millions. J'attends je sais pas combien, mais j'en m'assure assuré pour... Je sais pas, j'étais mannequin. On m'a dit, qu'est-ce qu'il y a fou là? Eh ben, je sais pas, j'ai le droit d'être mannequin si je veux. Je fais ce que je veux tant que je respecte la loi. La loi 1901, c'est une association. Un viol, c'est puni par la loi. Une transfusion, c'est pas puni. Une cocaïne, dans le chin, je te parle de la fouine, tu te fais une overdose. Tu veux sniffer avec moi? Allez me chercher Patrick au 10 des beurs. On s'en fout de l'héroïne. On va caler avec l'héroïne. Vous voulez vous shooter, vous voulez fumer de cela, je vais vous ramener de la chiche, ou de la chib, ou de la khara. Mais arrêtez de fumer devant moi, je vous bouquais à vos flics, n'est-ce pas? Tu m'as servi du vieux Toshi au 13. Je t'attrape au prochain tournant, fils de pute. Je vais t'emmener à Rotterdam, je vais devoir montrer les avortements, moi. Je vais te mettre une bombe à Rotterdam. Où? Bah à l'hôpital. Après, j'ai visité Rotterdam. J'allais me faire avorter, mais j'ai visité Rotterdam. Bah, je sais pas, c'est une connasse qui m'a dit, on t'a trouvé dehors, t'étais presque morte. Bah oui, je dormais. Je voulais accoucher. Je voulais pas avorter. J'avais bien vu que mon père voulait me tuer. Bah, il m'a tabassé. T'es malade. Bah non, oui, j'ai mal à la tête. T'es malade. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre? C'est mon mec qui m'a mis enceinte. Qu'est-ce que ça peut te foutre, c'est qui? Bah, ils m'ont fait l'avortement. Bah, je suis pas contente. Bah, je suis pas contente, je pense à ma fille. Je l'entends, elle me pleure. Je suis schizophrène peut-être, je suis bipolaire. Je lui ramener diable, moi, avec sa bipolarité, celle-là. Elle parle à qui quand elle parle? Tu sais ce que c'est qu'une bipolaire? Tu sais ce que ça veut dire bit? Tu sais ce que ça veut dire transsexuel? Tu sais ce que ça veut dire MST? Tu veux parler en quoi? En TGV? Tu veux que je te ramène quoi aussi? Un Merco initial? Tu veux quoi encore? Ça va aller là, les dégâts? On va arrêter de faire des dégâts? On va parler correctement au keuf. Bonjour, on sonne. Bonjour, j'ai perdu ma bécane. Plaque d'immatriculation, ben, je l'ai dans mon téléphone. Ben, j'ai dû l'enlever, on me la pique tellement. On me cisaille, j'ai une scie à métaux. Tu veux une bécane, tu prends une scie à métaux. T'es sûr de la scier? Tu veux scier quoi? Du bois, tu prends une scie à bois. Tu veux faire quoi? Du bâtiment? Ben oui, je suis sorti de tôle pour faire de l'étanchéité. Je t'ai pas sorti de tôle pour voler. J'utilise les tôlards pour faire de l'étanchéité. Pas de l'étanchéité, je fais du bâtiment. Je sors qui je veux, je tôle. J'ai besoin de toi là. Bah, ils sont contents, ils ont leur liberté. Tout le monde va travailler correctement. Macron veut mettre la retraite à 70 ans. Non, c'est pas 70 ans qu'elle a dit Le Pen. 50 ans, stop. Il y a des jeunes, on fait des enfants. 50 ans, ça suffit. Mais on travaille à l'âge qu'on veut. Tant qu'on est potentiel, tant qu'on a notre potentiel. Moi, je suis né en 75, j'ai gagné à la loterie. J'ai dit, ah, minuit 28. Je sais pas, ils ont rien compris les gens. J'ai fait congé 30, j'ai dit Bernard Tapie, justice à deux vitesses. Ah ça va Saturnin? Comment ça va mon frère? Ah ça va, ça vient. Ouais. Voilà, il y a Saturnin, il me connaît bien. Il sait que je suis une guerrière. Non, j'ai des problèmes maintenant pour marcher. Ah, qu'est-ce qu'ils ont fait? J'ai des problèmes. Maman, j'ai des problèmes aux jambes. J'ai une mauvaise circulation des jambes, je dois mettre des bas de contention. Les collants, ça me dérange. Je mets des bas, les mecs ils me regardent. Bah oui, mais je peux pas mettre de pantalon, ça me gratte. Mais une jupe, il me viole. Non, t'as pas mal. Non, c'est ici. Bah, je t'emmerde, moi, je me suis fait violer. Je suis à la radio, je dis ce que je veux. C'est pas les mollets. Je parle à la radio, je te parle pas à toi. Mais bien sûr, je suis en colère. On a tué ma fille, on m'a violé, on m'a sodomisé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Merde. Il y a merde à Montmartre. Il y a un magasin qui s'appelle Merde à Montmartre. J'ai voulu vendre mes livres, ils m'ont dit, ah ben non. Ma merde. Ah, on a bien compris? Bah ouais, on a compris. Ouais. Bah moi j'ai compris que t'es toujours enfermé dans... scolaire et que... Voilà, bah non, bah, non. Bah, tant que j'aurai pas ce que je veux, tant que ma fille, elle sera pas née, je ferai la colère. On me l'a avorté, j'étais à 8 mois de grossesse. Non, je suis pas d'accord. Je suis désolée. On tue pas mon enfant. On a tué mon enfant. On tue qui on veut, mais pas mon enfant. Bon, mais toi, on tue ton enfant. Tu t'en remets, toi? On enterre d'abord ses parents, après ses enfants. C'est ça la loi du plus fort. Maintenant, tu vas aller dans ma cité, je vais t'éclater ta tête. C'est bien, hein. Il y en a un qui rentre à Furcy. S'il n'habite pas ici, que je vois sa caisse garée à Furcy, je lui brûle. T'as bien entendu l'autre connasse, là, de là-haut? Il y en a un qui se gare à Furcy, que c'est pas sa voiture. Je connais les voitures de Furcy. Personne n'a des belles caisses. Je vois une caisse à Furcy, je la brûle. Hein. Vous avez bien d'accord? Je ferai pas de taupe pour ça. Hein. Je vais voir les keufs parce que moi je suis à la bague à Noisy-Grand. Hein. Vous voulez des armes? Vous voulez quoi encore? Vous voulez tuer des keufs? Bah je vais vous ramener la bague. On va voir qui tue qui. Bande de cons. Avec votre tushy et votre coke. Je vous ai tous démasqués. Je vais faire des descentes. Vous allez voir la descente que je vais vous faire. Je vais vous ramener la charcuterie, la boucherie Bondi Nord. Et on va ramener le bois Rafa. Bah, il en a ingéré mon père. Il a sa deuxième femme. Il n'a pas le droit d'avoir deux femmes. Bah, dans l'islam, on a le droit d'avoir quatre femmes. Bah, elle l'emmerde, il change de femme. Bah, il est trop fatigué. Bah ouais, il aime bien baiser, mon père. C'est pas de sa faute. Il est beau. Bah oui, il est beau, mon père. Je respecte. Il me dit, j'ai une deuxième femme. Bah, tu fais ce que tu veux, papa. C'est mon père. Ma mère, elle est handicapée. Elle est vivante. Elle est pas contente, elle pleure. Bah, moi aussi, je suis pas contente. Vous m'avez fait une injustice. Je vais avoir des injustices, moi. Faut être juste dans la vie. Moi, je suis juste. J'ai un fils, il s'appelle Adèle. Il est juste. Alors laissez-moi tranquille maintenant. Tiens, Florent, prends le micro. Prends le micro, Florent. Viens, t'assois là. C'est calme. Prends le micro, discute pas. Je suis à ma place. Tu me parles. Non, attends. Oui, bonjour. Salut, Florent. Tu veux chanter, Florent? Salut. J'ai déjà tout dit, Florent. Ça va et toi? Vas-y, Florent, parle. Tu vas vouloir chanter ou pas? Chanter, non, pas trop. Tu veux pas? Non, pas trop. Ok, je veux bien écouter ta chanson. Ok, je veux bien Nadine. Merci Nadine. Ok, ok, là, viens, là, il y a en complet, là, il y a Florent qui arrive. On était là, c'est bien qu'il soit là. On l'a réveillé, mais bon, comme tout nous a demandé de venir. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Tout le monde est un peu endormi aujourd'hui. Mais bon, on va commencer. On commence. Il y a JF qui se prépare pour animer. Et est-ce qu'on veut... Je pense qu'on va parler de William Burroughs. Vous voulez lire tout de suite le texte ou non? Après, il y a une introduction. Après, d'accord. Vous voulez chanter quelque chose aujourd'hui? Parler? Moi, je voulais lire une petite phrase. Vas-y, tiens, me prends. Oui, non, mais je vais la fumer. Oui, bonjour, je voulais donner une petite phrase d'intro pour donner un peu de gaieté. Tout semble réuni pour vous donner la pêche et le sourire. On vous offre un passeport pour l'amour et la création. Certes, quelques inconséquences financières et excès de plaisir sont en vue, mais vous vous rendrez bien vite compte que la vie vaut le coup d'être vécue. Voilà. Magali, Radio Metanoia, on est sur Pinote. On va passer dans quelques minutes en direct sur FM, mais on est déjà en transmission sur ici. Et est-ce que, si vous avez des questions, vous pouvez nous appeler à mon numéro, parce qu'on n'a pas encore le numéro officiel de la radio, 06 58 49 01 01, pour poser des questions. Il y a Jean-François Ossiane qui va, s'il y a quelqu'un qui appelle, il peut lire son thème astral ou le tarot à son style. Hein. Elle va nous expliquer. Est-ce que tu peux nous expliquer ta méthode de voyance, Jean-François, s'il te plaît? Ma voyance est directe, en direct. Elle est en direct. C'est une question de communication et ça va s'exprimer, sentir la personne, ressentir la personne. Je demande 5 chiffres de 1 à 22, pas les mêmes, et puis j'explique ses problèmes. Pas son passé, plutôt son avenir, parce que le passé c'est le passé, on ne peut pas revenir dessus. Et puis on voit si c'est positif ou négatif, et puis au final on connaît le résultat, quoi. Enfin, il y a aussi, si c'est Sagittaire ou Verseau, ça dépend. Le signe astral, le signe de l'astrologie, et son décan. On peut savoir. Le caractère, le comportement. Quand on a personne devant toi, on voit déjà les gestuels de la personne, donc c'est plus facile. Voilà. Les chiffres, on donne des chiffres à 1 à 22, entre Magali. 0 et 10. Non, 1 à 22, pas les mêmes. 1 à 22. De 1 à 22, pas les mêmes. 5 chiffres de 1 à 22, pas si tu veux les faire. Okay, je les fais. Tu veux que je les fasse? Ok. Ok, Magali, on y va. 8. Alors, Magali, 5 chiffres de 1 à 22, pas les mêmes. Alors, la combinaison 5 chiffres, 8, 5, 3, 22, 17. Déjà, c'est important, vous êtes né sur une bonne étoile. Vous avez une bonne étoile. Bon. Les deux, vous êtes assez juste envers vous-même. Peut-être trop juste. Vous ne savez pas faire de conneries. Donc, vous prenez sur vous, mais vous déglinguez pas mal. Vous repartez toujours tous les jours, vous repartez à zéro. Tous les jours. Avec de nouvelles idées, de nouveaux projets. Vous êtes comme ça. C'est ça que vous avez une certaine sacrée sagesse. Vous avez une maman? Oui. Elle est là. Il y a des gros soucis de santé, donc je m'inquiétais un peu. Alors ça, là, ça ne se voit pas parce qu'on ne voit pas comme ça les problèmes de santé. On en parlera tout à l'heure. D'accord. Tout ce que je sais, c'est que vous créez un jugement sur cette femme. Comment? Vous créez un jugement sur cette femme, sur votre mère. Vous la jugez beaucoup. Vous créez des jugements sur votre mère. Oui, d'accord. Bon, juger, c'est bon. Je sais pas, 23h25, je suis née. Ah non, bélier, je sais pas. Ascendant quoi, vous savez pas? Ben non, je sais pas. Faut calculer, c'est pour ça. J'ai pas le bouquin. Mais c'est vrai ce que vous me dites, j'enferme beaucoup des gens dans des jugements, puis après j'arrive pas à casser les jugements que je fais sur des gens. Malheureusement, il faut savoir, bon, faut savoir peser le pour et le contre sur la personne, mais ne pas juger, parce que quand vous jugez une personne, vous bloquez devant elle. Et après, le feeling passe pas. Bah oui. C'est ça qui se passe chez vous. Ouais. De deux. Vous êtes là, hein, vous êtes impératrice quand même. Même si vous n'êtes pas chez vous, mais vous êtes une femme très. Femme de tête. Hein. Vous avez du caractère. Merci. Vous êtes seule par contre. Vous êtes toute seule à vous diriger dans la vie. Vous dirigez par vous-même. Pas vrai? Vous êtes seul, vous dirigez par vous-même. Vous êtes seul à réfléchir, à vous diriger par vous-même. Vous n'avez personne. Enfin, cette femme et la sagesse, c'est la justice, c'est très juste. Hein. Vous êtes très juste avec votre mère. Vous avez beaucoup de volonté. Et vous avez beaucoup de volonté, même pour faire votre force personnelle. En tant que femme dirigeante, vous imposez. Vous imposez certaines règles qui sont difficiles. Mais c'est pour ça que du coup, je suis Téléphone, micro. Du coup, je suis pas dans le lâcher prise et je passe à côté de certaines personnes parce que je prends pas le temps d'eux, parce que je les enferme dans un jugement. Et puis après, voilà. Faut pas juger les gens. Ça peut être un voleur, ça peut être un brigand, ça peut être un tueur, vous n'avez pas à juger les gens. Les gens, on peut les améliorer, on peut pas les changer. Vous ne changez jamais les gens. Parce qu'au fond, ils sont nés comme ça. Donc, les changer, c'est impossible. Vous pouvez les améliorer. Ils peuvent s'améliorer parce que on les améliore, mais on ne peut pas les changer. Les gens, ils ont leur caractère, puis ils ne changeront pas. Vous repartez toujours, vous repartez sur une certaine sagesse, donc vous êtes posé dans la vie. Ouais, grave. C'est le navire, c'est ça? Ah, tu connais Martin? Oui. Vous avez toujours un peu d'argent sur vous. Vous avez toujours un peu d'argent. Vous aurez toujours un peu d'argent. Je sais pas par rapport à quoi, si vous avez gagné d'argent, par rapport à quoi, si vous avez une pension ou n'importe quoi, mais vous aurez toujours un peu d'argent. On est foutu, tu te pars, va. Ça va s'y passer. Bienvenue à tout le monde, là, Gary. Attends, moi je tiens le café. Vous êtes pendu à une bonne étoile, et vous repartez avec elle. Vous repartez toujours avec. Vous êtes protégé. Je rebondis. C'est un avis à la con, regarde. Moi, je donne mon avis sur l'astrologie. Dans votre vie, il y a un homme. Dans votre vie, il y a un homme. Écoute. Soit vous y pensez. Attends. Soit vous y pensez, ou soit vous rêvez d'avoir quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est de place assise, qui vous aide. Il y a quelqu'un qui est de place assise, qui vous aide. Je pense que c'est Pedro. Je pense que c'est Pedro. C'est qui, Pedro? C'est monsieur le chef de service. D'accord. Je pense que c'est lui. Il veut votre bien, mais comme vous êtes bloqué, puis lui, il n'arrive pas à cerner toujours les problèmes des uns des autres. Il les voit tous les jours, et puis il ne peut pas cerner les problèmes comme ça, vu d'œil. Je pense que c'est lui. Il n'y a que lui qui vous aide. Il est de bonne foi, mais il a du mal à vous comprendre. Parce que vous n'exprimez pas le désir d'être aidé. Finalement, vous vivez à vous-même et vous n'avez pas le désir d'être aidé. On fait 2 minutes et après on passe. Attends, je termine. Oh, pardon. Moi, je donne mon avis sur l'astrologie si je peux. Oui, après c'est fini. Après, c'est elle qui parle, après c'est toi. 21, vous avez rencontré du monde. Vous avez rencontré du monde, des gens, vous êtes venu à des rencontres. Différentes rencontres. À tout niveau, vous n'apercevez pas que vous êtes devant quelqu'un ou une personne qui est bien placée ou pas. Vous ne regardez pas ça. Moi, je ne regardez pas ça, pour vous, c'est une personne comme une autre, et puis voilà. Bon, c'est tout. Merci. Attends. Fortuné d'esprit et d'argent plus tard. Un peu plus tard. Enfin. Dans combien de temps? Il y a 2 ans, 2 ans, 6 mois. C'est certainement, vous êtes très riche d'esprit, mais il faut exploiter ça. Mais je vous conseille d'exploiter ça et vous y arriverez. Comme vous aurez exploité toute votre richesse intellectuelle, je pense que vous arrivez à faire quelque chose de vous. Hein? Merci. Ça va? Bienvenue. J'ai été au théâtre. Pas au théâtre, mais au cinéma, à Malraux. Et je t'ai vu, j'ai vu ton appartement. J'ai dit merde, c'est génial. Il y a pire que moi. Bon, là, tu peux parler, là, Séverine. Je t'ai trouvé super danser avec... Tu dansais, t'as été génial. T'as dansé de la, un peu de... De la R&B. Je sais pas si... C'est la musique de la R&B. Oui. Mais alors, c'était fin, une finesse. C'était extraordinaire, et je voulais te le dire. Parce que j'avais pas de nouvelles de toi, et je m'inquiétais. Je savais pas si tu étais encore vivant, alors j'en ai demandé à une personne, elle m'a dit si, bah bien. Bon, on passe la parole là. Bonjour. Bonjour toi, comment vous appelez? Séverine. Après c'est Mickaël. Comment vous appelez? Makaya. Bataya? Makaya. Mataya? Makaya. De prénom? Allez-y, Sandrine. Le prénom? Séverine, allez-y. Vous voulez parler de quoi, madame? Vas-y, parle, je vais c'est vrai. Je peux parler, je montre, j'ajoute les niveaux. C'est quel numéro, tu fais le voir? Vas-y. Donc voilà, moi j'ai découvert un truc. À mon âge, c'est un peu bizarre, parce que j'avais jamais perdu quelqu'un. Jamais perdu quelqu'un que j'aime autant. Et cette personne, c'était ma grand-mère. Et il y a quelques jours, j'ai réussi à retourner sur sa sépulture, sans personne, toute seule. Et quand je suis rentrée, bah, ça m'a fait encore cette impression de vide, que tout, qu'il y a plus de plaisir, il n'y a plus rien après ça. Et je voulais dire aux gens, occupez-vous de vos familles. Même si on est dans des situations compliquées, venir sonner à la porte, offrir une petite viennoiserie, une petite connerie, histoire de rigoler ou de faire la trêve, parce que des fois, on a des interactions vraiment pas marrantes. Il faut absolument faire la paix avec les gens de sa famille, parce que c'est quand on les perd qu'on se rend compte qu'on a déconné, qu'on n'était pas là pour eux. Des fois, c'est juste une présence, 20 minutes, une fois par semaine. Moi, je trouve que ça coûte pas grand-chose. Le temps des regrets. Non, justement, pour moi, le pire des trucs, c'est avoir des regrets. Donc, pour pas en avoir, c'est difficile, faut être exemplaire, faut aller au-delà de certaines pulsions, faut être droit dans ses bottes, quoi, et c'est pas toujours facile. Mais après, ça n'empêche pas qu'on peut aller voir ses parents, son père, sa mère, ses cousins, ce qu'on a comme famille, il faut être avec eux, il faut leur même tout leur dire, il faut se livrer, c'est important. Voilà, c'est juste ça, parce que j'aurais voulu passer plus de temps avec ma grand-mère, en fait. Elle est partie d'un coup et j'aurais voulu passer tellement plus de temps avec elle. Que ma peine, elle est immense. Elle est profonde. Et ce ne sera pas des médicaments qui vont effacer cette peine. Elle est morte, elle est enterrée. Et c'est pas la psy qui va m'aider là-dessus. Moi, j'ai besoin de... Paix à son âme. Merci beaucoup. Ouais. Moi, j'ai besoin de dessiner. J'ai besoin de... L'expression. J'ai besoin d'écrire aussi. L'expression. Quand j'avais mon ordinateur, j'écrivais beaucoup de petits textes aussi pour aider les autres aussi. Parce qu'il y a des jeunes qui sont... Des fois, il y a des jeunes qui sont perdus sur Internet, etc. Donc... Avec des copains, on essayait de leur écrire des textes qui peuvent éventuellement les aider ou faire un déclic, on ne sait jamais. Et voilà, mon message, c'est prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin de votre famille après. Merci. Parce que je suis sûre qu'ils ont tous les membres de votre famille ont besoin de vous. C'est vous qui vous créez peut-être une honte ou une gêne, mais je suis sûre que la famille, elle ne l'a pas forcément. Merci. Il faut arriver avec, une coupe de fruits, des bonbons, des machins, des petits trucs comme ça. Et voilà, et je viens pour te parler, pour être avec toi, parce que finalement, je t'aime. Et que le jour où tu pars, je serai trop triste. Donc autant être heureux avant. Ce sera toujours ça de prix. Voilà, c'était mon petit message. Merci, Miguel. Ouais. We'll be right back. 1, 2, ok, c'est Makaya. On me connaît, Brouba. Alors moi, j'avais une petite dédicace sur l'astrologie. Parce que déjà, l'astrologie, c'est le début de la sorcellerie. C'est comme ça qu'on étudie les gens. C'est comme ça qu'on essaye de les apprendre. C'est comme ça qu'on essaye de les calculer. Alors moi, je vais vous en placer une. L'astrologie, maintenant, elle est moderne. Parce que les personnes que tu as rencontrées, elles te modifient. Les personnes que tu as aimées, elles te modifient. Donc si tu es quelqu'un, par exemple, de poisson dès le départ, mais que tu as fait ta vie il y a 10 ans avec un lion, bah, tu as pris une part de lion. C'est comme ça. C'est comme quand tu manges un Mars, et bah, tu repars. Ben là, c'est exactement la même chose avec l'astrologie. L'astrologie, il y a l'astrologie de départ, là où tu es né, là où tu as commencé, le prénom qu'on t'a donné. C'est la première chose que ta maman t'a dit ou ton papa t'a dit, c'est ton prénom, c'est plus important que l'astrologie. Moi, je te le dis, le prénom, il est plus important que l'astrologie. Et l'astrologie, c'est le début de la sorcellerie. Moi, je vous rappelle ça. Et big up Inadinaya, moi, je vous dis, l'astrologie, oubliez-la. Parce qu'il y a des gens qui utilisent ça pour arranger les choses, mais c'est pas comme ça que ça marche. Ils sont là pour aider, pas qui se font pas payer. Hein. J'ai pas parlé d'aider, c'est comme aller à l'église, c'est comme aller prier. Nous on prie déjà les Rastas, moi je me prends pour un Rasta, j'aime bien ça. C'est un Dieu universel et c'est le Dieu de tout le monde, le suprême. Donc quand tu as quelque chose à demander, bah, demande-le à Dieu directement et ne demande pas à l'astrologie, ça ira mieux. Moi, je trouve que l'astrologie, c'est créer du lien entre des êtres humains. C'est plus accessible. Voilà, c'est sympa. Moi, j'aime bien. Je suis pas contre l'astrologie. J'ai étudié ça moi aussi. J'ai donné quelques indications à des copains et des copines, justement, pour s'arranger. Il faut retrouver son être naturel pour être le maximum bien dans sa peau et bien dans sa tête. Mais sachez-le. Toutes les personnes rencontrées, c'est ça qui est important. Les pays où vous avez voyagé, les personnes que vous avez rencontrées, c'est ça la culture maintenant. C'est ça la culture. Bonjour Fadela. Et surtout, big up, Séverine. Et les anges disparus, on prie tous pour eux. Et t'inquiète pas, ils sont dans notre cœur. Et Dieu nous envoie des messages avec eux, même tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc si t'as perdu, je sais. Je sais, mais ceux qui doivent, sont encore là doivent prendre soin de toi aussi. Il faut, faut le savoir, ça. Bon, et merci, allô, merci Makaya. Et là, c'est Mohamed, le poète prophète, qui est de retour à Radio Métanoïa. Je me présente. Je m'appelle Mohamed Le Remède. La rue, combien de frères ont-ils emporté ? On l'a tenu et abattu. Je ne sais plus. Le trottoir, si sombre le soir, couleur sombre. On a fait ton nom, on a fait la pénombre. Ouais, Mohamed, les prophètes poètes. Garde le micro, Mohamed. Tu peux, parce que tu vas jouer après. Voilà, tu peux nous faire des bruitages avec, avec Ogni, qui c'est la section bruitage. Tu vas nous lire un poème. Et après, on va mettre un peu de lunatique. Je vois que tu es au coup de lunatique. Emmanuel Mouret, les films qu'on fait ensemble. En 22 ans. Et 11 longs métrages, il s'est affirmé comme le bien-être virtuose, parfois cruel. Les complications amoureuses derrière la caméra. Le réalisateur marseillais cultive la camaraderie au long couloir, porte pas le travail collectif, il s'applique sur la même équipe technique depuis ses débuts et nous des liens affectifs avec ses interprètes pour le tournage de Chronique d'une liaison passagère avec Sandrine Duberlin et Vincent McKen présent dans la sélection Cannes présenté dans la sélection de Cannes. Il s'est une nouvelle fois laissé guider par son goût des autres. Texte, Vladimir Pérez, photo, Charlotte Longa, 71, Mâcon. Oui, merci Mohamed. C'est justement là, on parlait des... Mohamed, bravo. On n'a pas rappé, on a dérapé. Pas Mohamed Le Remède. Et il a fait un peu, c'est ce qu'il voulait montrer Magali. Vous voyez, il prend un texte quelconque et il fait un poème, il extrait un poème de ça. Il lit entre les lignes. Donc Magali, peut-être tu peux rebondir sur ça. Si tu fais du vice, je te jette aux écrevisses. Pasteur, porte-malheur. L'école élémentaire, la maternelle, ta Saint-Blaise, André Bouloche, Rabelais, va-t'en, on fait la paix. Hey, bravo. Oui, alors la semaine prochaine, je préférerais une composition justement et je vous donnerai les sources avec une composition à base de copier-coller pour faire un texte nouveau à partir de plein de textes anciens. Aujourd'hui, je voulais vous parler de La Machine Molle écrite par William S. Burroughs, écrite en 1961 et traduite en français en 68, parce que c'est vraiment le précurseur du copier-coller. Donc William S. Burroughs, c'est un romancier artiste américain qui est né en 1914 dans le Missouri et qui est mort en 97 à Lawrence dans le Kansas. C'est un auteur postmoderniste et il est connu pour avoir écrit les romans Junkie et Le Festin Nu et pour avoir développé la technique littéraire du cut-up. C'est au Maroc qu'il a rencontré un artiste avec qui il a expérimenté la technique du cut-up une fois installé au Beat Hotel à Paris en 59. Cette manière de composer un texte à partir de morceaux de différents récits. Donc le copier-coller en littérature, Burroughs et le cut-up, le copier-coller de découpage de journaux, de fanzines de science-fiction, de récits de voyage, de pages de poésie en prose. Donc Burroughs s'est lancé dans une longue période expérimentale avec la trilogie Nova, où il abandonne la narration conventionnelle et compose son œuvre avec des découpages juxtaposés de journaux, de fanzines de science-fiction, de récits de voyage, de pages de poésie et de prose. Il s'emploie à représenter la position de l'homme dans l'univers, une position intenable, déchirante et absurde. La Machine Molle, c'est un ouvrage pas facile parce que c'est vraiment que la technique du cut-up. Et puis Burroughs, à l'époque, subissait une très forte dépendance à l'héroïne. Donc il va sublimer et aussi complexifier la lecture et la compréhension de son ouvrage. Des génies affrontent des monstres, des jeunes résistants veulent affirmer leurs différences, des orgies renouent avec le monde païen, des racines sont tendues vers les cultures originelles aztèques et romaines. Les phrases n'étant qu'une suite de mots, souvent sans verbe, sans accord, sans sens apparent. Burroughs écrit exactement comme il ordonne sa pensée au pire moment de sa défonce. On en ressort des impressions, des odeurs rémanentes, une tension malsaine, palpable et même une idée de saleté dont on aimerait se débarrasser au fil des pages. Le livre se découpe en 17 sections qui tendent à donner une structure au livre sans pour autant que celle-ci soit apparente. Les titres des sections ne sont pas explicites puisqu'ils font parfois référence à des drogues, des surnoms, du jargon ou bien des expressions. Fervent représentant de la Beat Generation, Burroughs écrit à propos du vagabondage, du voyage au sens géographique, mais aussi au sens intérieur du terme, la liberté physique et sexuelle. À propos du livre, l'écrivain Norman Mailer écrira « Burroughs nous laisse avec la vision intime et détaillée de ce que pourrait être l'enfer, un enfer qui peut-être nous attend, produit final et apogée de la révolution. William S. Burroughs déploie comme nulle part ailleurs la panoplie moderne des vanités de l'esprit humain, des excès malfaisants qui apparaissent quand l'idée de puissance personnelle ou intellectuelle est placée au-dessus des compassions de la chair. » Voilà, donc la semaine prochaine, je ferai une composition personnelle. Bonsoir, bâtard, connard, mais peut-être que tu n'as pas compris, je chercherai encore l'attitude du Grand Nord, tu vois, je n'ai pas tort, hardcore pour le Nord, tu marches avec les Smiths, vas-y donne les mecs, boum boum, enseigne et te respecte, dans la brigade des loups, les loups voient, le loup, dodo, tais-toi, projette tes noms, les abdos. La rue, combien de frères a-t-elle emporté? On a-t-elle eu et abattu? Je ne sais plus. Le trottoir. Ce soir. Ce soir. Ce soir. Le trottoir. Ce soir. Il est trop tard. Il est trop tard. Il est 17h11. Il est 17h12. C'est bientôt le traitement, dans trois quarts d'heure. Mohamed les prophètes en freestyle. Mohamed le prophète. Les remèdes. Mohamed les remèdes, les poètes prophètes. Qui vient et qui il arrive à extraire de chaque. Viens, assieds-moi. Assieds-moi, tais-toi. Fais gabin. Oh, je tiens une bonne chose, mon petit gars, t'as de beaux jeux, tu sais. Je t'adore, et son noisette. Son noisette. Moi, ce que j'adore chez Mohamed, qu'il arrive à extraire un poème de n'importe quel texte. Il prend n'importe quel texte dans sa main et il extrait un poème. Un peu comme un alchimiste du langage. La justice, nique sa mère. Le dernier juge que j'ai vu avait plus de vis que les dealers de ma rue. Le marché a cramé, ils m'ont accusé. J'ai passé 2 jours en GAV, à Bondy. Bobigny, Drancy, allez vous faire enculer. Bande de PD. Le poulet, je dois sacrifier du poulet. Pas de pète sans que Babylone pète. Est-ce que tu le sais? Ah, merci Mohamed. Et Marc, est-ce que tu voulais parler de quelque chose aujourd'hui? Vas-y. Oui, je voulais vous parler en fait des sans-abri. Je serai quand même bref. Déjà, bonjour à tous et à toutes. Prends ton temps, on a le temps. Vas-y. Les sans-abri, c'est un véritable problème récurrent en France, mais ailleurs également. Il y a des moyens actuellement qui sont mis en œuvre pour que ces gens puissent avoir un abri. Le problème, c'est que la situation est quand même très très compliquée pour eux et pour les autres. C'est vraiment pas facile. Il y a des choses qui se font, hein, ça se fait, mais ça m'empêche pas d'avoir moi la larme à l'œil quand j'entends aux actualités qu'un SDF est mort sur le trottoir avec un carton sur le dos en hiver. Ça me bon, on est à une ère quand même moderne et des gens meurent sur le trottoir dans l'indifférence presque totale. Malgré les bon, encore une fois, des choses sont faites. Hein. Il y a des maraudes, il y a des choses comme ça. Mais voilà, enfin, c'est compliqué. Oui, c'est un sujet vaste. Et puis là, il y a des élections bientôt. On va voir si ça change un peu. Oui. Tu peux prendre un autre micro. Prends un autre micro là. Tu as un micro devant toi. Donc, moi, j'ai été SDF pendant un an. Ça veut dire que j'ai passé l'hiver dehors. J'avais rien. Quand je dis rien, c'était juste mes sous-vêtements. Après un morceau de savon, j'ai dû laver mon linge dans une fontaine en plein milieu de la ville pour pouvoir être propre, parce que je suis toujours restée propre, même en étant dehors. J'avais plus de boutons, j'avais plus rien, c'est marrant. Hein. Dehors, c'était plus sain qu'à l'intérieur. Et ce qui fait le plus mal quand on est dehors, c'est pas tellement l'indifférence, c'est ce que l'indifférence, comment dire, c'est parce qu'on réfléchit dessus que ça nous fait du mal. Parce qu'à la limite, des personnes qui passent devant vous, qui font des réflexions, tout ça, moi je m'en fous. Avec la couleur que j'ai, quand j'étais au lycée, on m'en faisait tout le temps des réflexions, donc on s'en fout. Le truc, c'est que voilà, moi il n'y a personne qui m'a aidé quand j'étais dehors. Personne. Pas une maraude. J'ai vu des maraudeurs qui s'occupaient toujours des mêmes. Toujours des mêmes personnes. Une fois, on m'a distribué des pois chiches. Quand on est dehors, c'est pas vraiment ce dont on a besoin. Ils m'ont déclenché un truc dans le ventre. Ça a fait gonfler mon ventre. Ça m'a fait péter ça m'a pété le ventre. Du coup, je me retrouve avec des vergetures que j'avais pas avant. Moi, la rue, je peux vous en parler. Maintenant que j'ai eu un an de rue, je pense que j'ai le droit d'en parler. Moi, je l'assume complètement. Je vois pas ça comme une honte. Par contre, il y a un truc qui m'énerve, qui m'énervait pas avant. Mais ça, c'est parce qu'il y a le vécu derrière. C'est tous les gens qui disent « Ah, faut faire quelque chose ». Mais en fait, le plus important, c'est pas faire quelque chose. C'est faire la bonne chose au bon moment. Et ça, c'est difficile. Et c'est pour ça que les associations peuvent être utiles. Parce qu'elles peuvent nous enseigner, comment dire, les mots à dire, les attitudes à avoir, etc. Parce que moi, je suis une femme, je suis foncièrement pas agressive, ni je suis pas méchante. Mais voilà, il y a des gens dans la rue, si on les accoste, même pour essayer de les aider, qui peuvent avoir des réactions agressives. Et ça peut faire très, très mal. Et c'est des gens qui sont en détresse. J'en ai vu qui sont toxicomanes. Moi, c'est pour ça que je suis restée toute seule. Je dormais à côté du commissariat. De bon Dieu ou pas béni ? Sans commentaire, je dormais à côté d'un commissariat, il y avait un banc, il y avait des marrons par terre, je m'amusais à les ramasser, je me faisais mes petits jeux à moi pour pouvoir m'endormir le plus tard possible, parce que les gens méchants, c'est souvent, ils sont dehors souvent entre 3h et 5h. Et dormir sur un banc, bah, ça casse le dos, ça casse le moral. Ça je voulais dire une petite anecdote. C'est pour ça que les gens dorment... Oui, tu peux finir l'histoire, après on va continuer. Merci. Oui. Bip, bip. Attends, tu as changé de micro là ? Quel numéro ? Dis-moi quel numéro c'est. Voilà, donc les gens qui dorment dehors, en fait, pourquoi ils ne se mettent pas sur les bancs ? Parce que c'est des questions, quand on ne connaît pas, c'est des questions qu'on peut se poser. Bah, parce que par terre, c'est plus confortable que sur un banc. Et les bancs et tout le mobilier urbain est fait pour que les SDF ne puissent pas s'installer. Et ça, je l'avais déjà remarqué il y a longtemps. Ouais, j'avais un Facebook où je dénonçais un peu ces manières de faire, que je trouve dégueulasse, parce que voilà, le SDF, enfin, moi en tout cas, je dormais... J'allais chercher mon argent pour pouvoir m'acheter quelque chose à manger, essayer de me poser quelque part pour pouvoir dormir. On m'a volé, on m'a racketté. Quelqu'un a essayé de faire un peu plus que les autres, mais voilà, ça s'est pas fait heureusement. Donc les SDF, ouais, il faut s'en inquiéter, mais s'en inquiéter, ça sert à rien en fait. Faut agir. Il faut agir. Oui. Ouais. Comme disait monsieur, c'est cash. Là, j'ai peut-être parlé cash, mais les bonnes intentions, le SDF, ça le nourrit pas, ça le répare pas. Il faut qu'ils aient accès aux soins, parce que voilà, faut qu'ils puissent se doucher facilement. Donc un clochard, bah, ça pue pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien qui est fait pour que ces gens puissent se laver. Donc moi, j'ai eu la chance de pouvoir aller... Moi, j'ai vu mon père, je suis allée en maison de retraite. Je suis allée dans la douche de mon père pour pouvoir me laver et être propre, parce que je ne supporte pas d'être sale. Enfin, je pense que n'importe qui ne supporterait pas ça. J'ai les cheveux longs, ben pareil, je pouvais les coiffer chez mon père, etc. Dans la rue, on ne peut pas, il y a toujours quelqu'un qui vous regarde. Donc, c'est des situations compliquées. Et moi, tout ce que j'aurais à dire, c'est offrez-leur à manger déjà. Si vous pouvez, offrez-leur à manger, pas des trucs périmés comme j'ai vu. J'ai vu que certaines personnes donnaient des choses périmées. Il faut savoir que moi, j'ai manqué de tomber dans les vapes au moins une dizaine de fois parce qu'on m'a donné de la nourriture que j'ai achetée en boutique, hein, et qui était avariée. Donc quand on est déjà affaibli et qu'il nous arrive ça, bah, on tombe. Donc moi, j'ai refusé de tomber. J'ai bouffé du chocolat, j'ai bouffé des trucs pour avoir de l'énergie alors que j'ai mal aux dents. Donc j'avais pas le choix. Et je savais même pas ce que c'était que le Covid. Tout le monde était avisé. Moi, je ne savais même pas ce que c'était. Donc, je voyais des gens passer avec des masques. Du coup, je me suis dit, bah, moi aussi, je vais en mettre un. Voilà, sans comprendre ce que c'était. Et j'ai chopé le Covid comment, moi ? C'est des gens qui sont mal intentionnés. J'ai un laboratoire. J'étais dans la file d'attente parce que j'allais voir une copine qui a un bébé. Donc, quand j'ai compris ce que c'était, je ne voulais pas prendre de risques. Et il y a des personnes qui étaient malades, qui se sont amusées à se coller... à se coller à moi et à me tousser dans le visage. Donc voilà. Donc moi, j'ai une version noire de la vie en ce moment. Je ne l'avais jamais eue. J'ai 40 ans passés. Et je ne m'étais jamais rendu compte que les gens pouvaient être aussi cons et aussi méchants. Oui. Et bah, je suis quand même contente de m'en rendre compte à 40 ans. Et parce qu'il y a des enfants qui s'en rendent compte très tôt, et ça, c'est dommage. La prise de conscience que j'ai, je la souhaite pas aux enfants ni aux adolescents. Oui, vous avez écouté tous parce les politiciens. Parce que c'est triste là. Et c'est moche. Il faut changer tout ça. Ce système, Moine, vous parlez de quelque chose. Moine, tu voulais parler de quoi ? Oui, je veux dire quelque chose par rapport au SDF. De quoi tu voulais parler, Moine ? Je vais chanter un rap que j'ai écrit par moi-même, mais c'est pas en français, c'est dans ma langue maternelle, donc vous allez pas comprendre, mais vas-y, ici on accepte tout type de langage, même si on comprend pas. D'ailleurs, on aime bien les choses qu'on comprend. Je mets un musique ou non? Si tu as un câble, on peut le connecter. Tu as pas de câble? J'ai un câble, oui. Enfin, tu as une entrée mini jack? Oui. On peut la connecter ici, tu peux la sortir ici. Amène-la ici. Viens, viens, viens, tu peux t'asseoir ici. Tu peux te mettre là et tu peux. Si tu veux. Tu peux prendre ces micros. Attends. Il faut la brancher ici. Ah, on va mettre un rap. C'est quelle langue, ta langue maternelle? Pashto. Ça vient d'où? Afghanistan. Voilà, un rap afghan. Ah, c'est ça, tu l'as pas. Ah, non, non, mais le problème, c'est que... Sinon, tu mets dans le... Tu peux le mettre là, sinon tu mets dans les noms. Ah... Comment on peut faire? Sinon, il faut qu'on mette un micro là. Attends, tu vas le mettre là. Tu vas chanter là. Tu peux mettre un micro, Dominique, à la musique. Non, mais. Tu mets un micro à la musique par là, tu vois? Essaye. Oui, pardon. C'est bon? C'est bon? Et tu chantes là? Vas-y. Yeah. او به کسا چانه غختل چې واوري زما کیسه عمر می سوار لس کاله زبیل شوم د خپل پلاره د ماته ول چې زو لاړ نشي په بدلاره ما پرې خو د خپل مور په غربت کې ما ورته ژړل دی ماته ول زو یو بوینو په اخرت کې زلوی شوم په غمونو کې زما ټول عمر تیر شو په دردونو کې ز د خپل په حال خبر نه یم آیا زه یم که نه یم زه ګیله نه کوم له چانه زه باور په دې مای خدایه چې ورځ به راشي زه وژاړم له خندانه چې زه وژاړم له خندانه Tu veux faire un peu plus Je t'ai mis ça parce que comme ça, c'est tu vides les pop de la voix. Ah, ok. C'est super. Ça marche pas. Ça marche. Je t'ai pas. Donc, ça après. Vas-y, tu peux refaire un peu. Je refais tout ça. Ouais, je fais le renouveau. Ouais. Non, le marathon, moi, je l'ai pas effacé à un moment donné. Je suis toujours les mêmes. J'ai fait, ouais. Ok. Là, c'était là. Ouais. Yeah, Mouine. زوم تنها او بې کسه چا نه غوښتل چې واوري زما کیسه عمر مې څوارلس کاله زه بیل شوم د خپل پلاره د ماته ول چې زو لاړ نشي په بدلاره ما پرېښود خپل مور په غربت کې ما ورته ژړل دی ماته ول زو یو بوینو په اخرت کې زه لوی شوم په غمونو کې زما ټول عمر تیر شو په دردونو کې ز د خپل په حال خبر نه یم آیا زه یم که نه یم زه ورک شوم په خیالونو کې زه خپل ملګري وینم په خوبونو کې دوی شو د خاورو لندې ښځې شوې کونډې Un rap afghan là, c'est super. Et qu'est-ce que dit un peu la parole en français J'avais des amis en Afghanistan qui sont assassinés. Mmh. Du coup, c'est par rapport au. Et mon père qui a été assassiné aussi. En Afghanistan? Oui. Pendant la guerre là? Pendant la guerre, oui. Quelle connerie les guerres. Hein. Ouais, du coup, toutes les guerres sont des conneries. Et donc, tu es venu après que ton père est mort ici en France? Oui, oui. Du coup, c'était un peu compliqué, mais maintenant ça va. Ça va un peu mieux ? Ouais. Mais c'est super, tes rap là. Merci. Tu sais, même la musique, c'est ça, c'est universel. Même si on ne comprend pas, on peut sentir. C'est ouais. ça ? On peut ressentir. Alors, Dominique, il va dire une chose et après, c'est Makaya qui va nous rapper aussi. Merci. Ouais, je voulais revenir au SDF. C'est une blague que j'ai inventée. Hein. Je passe devant le SDF et tout, je lui dis t'as faim ? Il me fait ouais, c'était comestible. Je me suis sauvé en courant. Ouais, je connais certains SDF qui sont comestibles aussi. Ouais. Ouais. Voilà. Tu peux prendre une... Mouah. Attends, tu passes un autre micro là à... Un. Un, deux, vous m'entendez? Voilà, on va essayer de faire un duo avec Nadine, là. C'est Makaya et Nadine. Nadine, t'as un blaze, t'as quelque chose à dire? Pour ton surnom, Nadine. On va rester sur Nadine. Bah, c'est très bien, Nadine, des fois, c'est original. Ce qui compte le plus. Non, mais c'est Nad. In. Ah, voilà, c'est pas la même chose que Nadine, c'est Nad In. Nad In. C'est Nad In. Et on va chanter un petit remix de Non Rien de Rien, Je Ne Regrette Rien, Edith Piaf. On va essayer en tout cas. Moi je balance l'instru. Ok, ça va démarrer. On fait avec les moyens du bord toujours, hein. Radio locale, vous connaissez. On se débrouille. On s'entraide. On attend la mise en place de duo Nadine et Makaya en direct de Radio Métanoïac. On est pour la paix, ça suffit les guerres, ça suffit les maths de tuer tous les gens. C'est ça. Tout à l'heure, le rap afghan. C'est ça. Nadine. Je peux avoir un peu plus de volume dans le casque, s'il vous plaît. Car aujourd'hui je suis refait. Non, rien de rien. Ouais, Nadine. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé. À toi. Non, elle et moi, on ne regrette rien. Non, rien de rien. Mais pourtant, je seul sais que je pourrais tout finir en Jack D. Et les alcooliques, on les connaît. Donc, non, rien de rien. Aujourd'hui, rien. Alors, je vais te dire un truc, Makaya. Je suis contente d'être avec toi, de chanter avec toi. Je savais pas le faire, on essaie et on verra. Alors, c'est parti. Non, rien. De rien, non rien de rien. Je voulais chanter un petit peu et voilà. Je voulais des chansons préparées et j'en ai pas. Alors avec toi Makaya, on va chanter dans la joie. On va faire boum boum boum, je compte bien sur toi. Alors vas-y, enchaîne avec moi. Brouba. Non, rien de rien. On regrette plein de choses, mais on s'en fout, on n'est rien. Sur cette terre, on n'est rien. Que des petits êtres, on n'est rien. Attends, que des insectes. Allez, reprends encore. On a choisi le mauvais aspect, donc on va changer. Carrément. Parce qu'on regrette plein de choses sur Terre, avec trop d'enculés, il y a trop de fils de pute. La police et tout ça, je vous emmerde. J'ai assez d'affaires de justice à cause de ma fille. Donc on va passer sur autre chose, un instru reggae tout simple. Ça va être plus facile pour nous, je pense. Allô, allô? Allô? Bonjour. Alors, je demanderais une chanson de Dadju, Mon Soleil. Elle est pas mal. Vous la cherchez aussi. Après, vous mettez Bob Marley, Dadju. Ouais, mais j'aimerais bien écouter un. Ça, ça va être un duo, là. Ton poème, après. Après les duos, on va mettre. Ça va être un duo, là. Je vais avoir du volume dans le casque, s'il vous plaît. Yeah. J'ai pas de retour micro. Bon, bon. Vas-y, à Nadine. Toi. Vas-y Nadine, je vais lâche-toi. Te chanter une petite chanson. Parce que j'aime bien Makaya. La première fois que je l'ai vu, c'était ici. J'ai poussé la petite chanson. Alors il m'a dit, si tu veux, la prochaine fois on fait un petit truc tous les deux. Ouais, juste toi et moi. Bruba à toi. Ta-da-da-da-dam, je te donne la parole. Enchaîne pour chanter avec moi. Ta-da-da-da-dam, on y va. Un, deux, un, deux, trois, à toi. Tant que t'es en garde à vous et que t'as le rythme dans la peau, c'est à toi de garder le micro, ma soeur. Moi, quand je te coupe, c'est pour que parce que t'as plus le rythme. Mais là, t'avais le rythme. Alors, c'est encore à toi. Balance, balance, Nadine. Balance, balance, balance. Alors, je sais pas quoi dire maintenant. Je pensais réfléchir un tout petit temps. Mais tant pis, on y va sûrement. Et on reprend, et on reprend. Et un, deux, et un, et deux, et trois. Allez Makaya, s'il te plaît, chante avec moi. Tu peux pas me laisser comme ça. Toute seule, la la la la. Un, deux, un, deux, testicules. On teste le micro et on vous encule. C'est me reconnaît, c'est Makaya, bouillon gabonais, petite Castello chaud, réga beau frais. On retourne sur du classique et on a la logique. Il y a les dessinateurs, les programmateurs et les animateurs. Moi je suis un putain de dealer. Aujourd'hui j'ai dealé un peu de shitare. C'était mieux que tes médicamentés. Tu m'as fouetté un rendez-vous. J'aurais dû toucher un tas de billets. Et tu m'as programmé à rester dans ton enfer, ton HP. Moi je suis là, je suis condamné. Pendant que toi t'es dehors à briller. Hey, tu me reconnais, c'est Makaya, bouillon breton gabonais, petite Castello chaud, cidre au frais quand y'a les invités. J'en place une pour la grand-mère disparue. Hey, c'est grâce à nous qu'on est en France. Résistance, Adolf Hitlérien. C'est mon grand-père. Il a fait de la résistance pour la France, pour qu'on soit tous ici sur Terre. Hein, ça fait Nadine. Ok, ok, ok. Mon Makaya, je vais te dire quelque chose. Fais gaffe à toi. Tu n'es yes, pas I. une âme condamnée. Mais j'ai pris un tas d'assurance. Avance tout droit. Reste bien dans tes pas. Makaya, Makaya, Makaya. Ok Dina, moi j'ai fumé la ganja. J'ai smoké la marijuana. Aujourd'hui c'est moi le roi, Dagobert qui a mis sa culotte au travers, ouais. Oui, yo. Oui, merci, bravo. Ouais. Merci Makaya. J'aurais pas essayé sans toi en tout cas. De rien, ça fait plaisir. C'est ça le reggae, c'est que de la musique, que de la musique, que de la musique. Ouais. Merci. Mohamed, est-ce que tu peux lire ton poème là, il a écrit un poème magnifique, Mohamed le Remède. Personne ne sait ici que c'est le plus grand poète de notre génération là. Mohamed le prophète, pour vous Radio Metanoia en live, les poètes, les remèdes, les prophètes. Mohamed. Allô, 1, 2, 3, j'irai au bas de Bondy, voir le comico de Bondy. Yes, I. Pull up. Vas-y, Mohamed. Je ne sais rien, pas paysage, que je gave de rien, un petit rien, oui, la mal employée, feu. M'opposition, si t'as rien à me dire. Nique ta mère, pas mais je te le dis, laisse-moi tranquille ou laisse-moi 30 000. Sinon, tes yeux, la fourchette de dette, on la paye avec tes deux doigts de Peace and Love. Yes, le vinaigre fut marqué et mangé au plus vite. Le temps du self, l'hernie fiscale que tu sais, cela avec tu le perds. Ouh, là, voilà, il va. Mais pas sur place, chez moi, t'en diras pas plus. Si tu suces des bites, tu arriveras vite. Si tu suces des glaces, tu resteras sur place. Contente-toi de ta sujette et ta sujette. Ciao, Pantin, Coluche, encore man de vitesse. 400 cm cubes. Le Mans, circuit Carole. Je préfère Carole, du secteur 11. Yes, oui. Yes, Mohamed. Yes, Mohamed, le prophète, le vrai maître. Yes, c'était une plus sale dédicace à la police de Bondy et à tous les enfoirés qui sont là. Pam. Mais Mohamed, moi, je, comment tu extraites des poèmes de tous les textes que tu trouves par terre, que Mohamed, tu construis? C'est ça là, tes doigts, il n'y a pas de coupon, c'est interdit au secteur 14, Deauville, le département, l'environnement, 01, Bourg-en-Bresse, 02, l'Aisne, 03, l'Allier, 04, Pyrénées, 05, Haute-Pyrénées, Nice, nique ta mère, toi et ton vice, Béchis à Donnelay, va rejoindre Hervé. À la mairie de Bondy, il n'y a que des bandits. Fais vendre les bandits, la bande à Bondy. Oui. Bravo Mohamed. Oui, tu nous manquais à la radio là. Alors, qui répondit? Loïc, est-ce que Siol, tu as des choses à nous montrer, à nous parler, à nous chanter? Non, je n'ai rien du tout. Allez, Vincent. Je n'ai rien préparé, mais on est sûr qu'on peut faire quelque chose. Vas-y, tu veux faire un live? Quel instru? Tu peux le mettre à l'instru à, ouais, bien sûr. À Vincent là. Je peux essayer de kicker avec vous, hein, s'il vous plaît. Parce que... ouais, on va kicker ensemble, tous voilà, ensemble. Voilà, il faut lire la comment on peut extraire de la poésie. On parlait de William Burroughs au début. Mohamed, il nous montre à chaque fois. Et voilà, il sort un dé. 6. Voilà. On peut faire un poème avec des dés. Merci, Robert. 5. Ah, passe bien le micro là. 6. Ah, il y a une instru qui démarre. Allô. Le comico d'Aulnay, le château de Versailles, derrière la GAV. Ton PV, tu te mets dans le cul. Je suis assorti, j'ai un usine. 310 pays de line. C'est pas du live, c'est du hardcore pour le Nord. Dédicace à Fierro, je désire. Personne le désire. Maintenant, je vais m'arrêter là, il est trop tard. Tout à l'heure, après l'heure, il y a là le traitement en bas. Oui, Radio Metanoia live, Vincent, C'est pour toi cet instru. Ouais, ouais. Ouais, ouais. 9-3. Je fais un freestyle ou je fais un rap? Ce que tu veux. C'est à toi de choisir. Ok. Ça va sur la bande FM, c'est ça? Ça passe en FM à Paris et à Moulouf. L'Occident. Ouais. L'Occident serait en train de céder. Avoir le tiers-monde dans cet état. La monnaie dévalorisée comme un homme qui perd son bras. À coup de couteau à l'arrière par un soldat. À bout de bras, chien mur, sa cité. Sans flouze, comment comprendre ça quand t'as tout eu? Les incompréhensions culturelles nous ont eu. Y'en a qui ont tout et y'en a qui ont rien. Et y'en a qui perdent tout pour rien. La chute est plus grande encore. Les riches roulent en 4x4, putain, qu'à chaîne de vie hardcore. Comme pisser sous caniveau. Je préfère rester sans cash et pouvoir vivre sainement. Sans avoir un vesqui des glaces. Les glaciers fondent comme le cœur des femmes pour moi. Et short cette protection judiciaire. Putain, ce putain de mal était nécessaire. Ça m'apprendra à écouter les traites et à vouloir couiller une banque. Avoir des chiffres sur un bout de pied pas. A mendi comme un enfant, expliquer qu'il comprend pas mes attentes, mais qui s'étonne qu'on lui parle, man. Je fais attention dorénavant, j'économise pour mes projets. Je critique personne, j'ai cette putain de joie vive qui s'y sur mon regard. Je reste séducteur et je déchire les traces superflues au cutter, mon passé de pauvre. Je fais mon yébib propre, stop sans guimauve, le champagne coule à flot. Je fais fêter les tum-tum à mes héros sans oublier les traites, bien sûr. Gardez bien la pêche, bien sûr, et sourire. L'argent change trop vite demain et je sais de quoi s'en faire mon lendemain. Les gars détestent le gouvernement et ces méfaits de 16 orchestrent notre déclin. Jusqu'au pays lointain, le mal ne cesse de triompher. Les idées reçues plaisent, les héros de ma ville. L'eau, la terre, les mers, les villes entières. Ils détruisent tout sur leur passage. Jusqu'en Amazonie, les peuples souffrent, c'est l'agonie. Les enfants meurent en bas âge. Ça c'est certain, pendant que d'autres s'en battent les reins. Ça changerait leur train-train quotidien. Leur indifférence agace, mais que veux-tu y faire? Sinon réussir à quitter le terre-terre pour Rivoli. Un révélage qui ferait ma vie, ce sera l'extase, la potée aux enfants, je crois. En tout cas, ce sera autre chose. Mais faut quitter 9-3 car ici c'est pas what ça craint. Les petits envoient avec grand, les grandis, les partent en tôle. Ça rapporte pas, ils ont pas de société écran. Aux îles Caïmans, cela part longtemps. Et les îles paient la juste pour que la justice soit clémente. À son égard, vu de l'extérieur, ça rend perplexe, ça choque, ça égare. Et personne comme ça, deux en tôle comme ça, à part à marcher sur un couloir à Yé pendant que les riches roulent en 4-4. En 2-4-6, on se dit parfois qu'on pourrait les rejoindre et construire ensemble un monde meilleur, un monde meilleur. Comme les politiciens pourraient être élus, d'ailleurs plus personne n'y croit depuis des lustres. Les événements l'illustrent, on parle peu de l'essentiel et beaucoup passent à côté de la vie sans autre alternative. La vie sans autre alternative, ils tombent dans l'engrenage du filet, comme ces gosses qui marchent sur une bombe. Les radars sont, les armées déploient, ça tombe dans une embuscade. Les choses sont trop complexes pour qu'on pile, qu'on s'alarme. J'allume le drapeau blanc et le combat continue sans répit. Et les flics tirent sur des cibles humaines, on nous malmène et beaucoup ratent. C'est le désespoir contre un échec de ces hommes. Mais l'Afrique a décidé de garder espoir et c'est fort. Mais rien qui avance pour l'instant. Alors je me lève la nuit et je prie. Et je lui demande pourquoi en dents et on mangeait ce putain de fruits. On mangeait ce putain de fruits. On mangeait ce putain de fruits. On mangeait ce putain de fruits. 9-3 Vincent Black. Waouh, quel flow. Super, hein. Excellent, c'est génial. Tu le fais super. Bravo. Yeah. Alors Alain, tu veux faire un truc? Alain, tu vas pas faire un truc. Laurent, tu veux faire un truc? Tu veux chanter? Tu veux faire? Tu veux tout ce que tu veux? Tu peux. Sans t'aimer. Tu veux parler? Attends, prends un micro. Est-ce que tiens, prends le micro ça. Bien sûr. Donne-nous celui-là, c'est bon. Docteur Mariella, il est pas là. Vas-y, parle. Attends. Oui, bonjour. Moi, c'est Florent. Oui, bonjour. Moi, c'est Florent Twill. Bah écoutez, je voudrais dire bonjour de la part de Radio Copernic. Et ce que je voulais dire d'autre, merci à tous ceux qui ont été là pour moi aujourd'hui. Voilà. Même si, voilà, bon, vous m'avez compris, mais bon, je ne vais pas m'étaler, mais bon, il n'y a pas de souci. Voilà, ça va. Force à Radio Copernic, hein, merci à tous et à plus tard peut-être. Merci, au revoir. Ouais, oui, merci Florent là. Tous les métanoïaques. À fond là, c'est super Florent que tu sois là comme d'habitude, tous les poètes ici à Radio Metanoia. Tu voulais aussi faire un freestyle là, vas-y, Coil, attends, prends un micro Coil, et... Allô, allô, allô, allô. À l'huile, à l'huile, à l'huile. Halloween, t'es où? T'es où? Halloween, t'es où? Halloween, t'es où? Halloween, je suis là. Je suis là. Allô, Halloween. Allô, Halloween. Halloween, t'es où? Halloween, t'es où? Halloween, t'es où? Halloween, t'es où? Halloween, t'es où? Halloween, t'es où? Halloween, t'es où? Bon, Coil, t'écoute. Oh, je reçois un message qui dit pour moi de Mohamed. Mohamed qui fait des poèmes de tous les textes qu'il trouve. C'est en fait, tu comme les rois Midas, tu transformes tout en poème. C'est fini les problèmes, bienvenue le poème. Affirmatif. Colonel. Vas-y, mon colonel. Prends le micro. Affirmatif, mon colonel. Oh, je vais te dire une bonne chose, mon petit gars, t'as de beaux yeux, dommage que tes oreilles les cachent. Oui, oui, oui, oui, oui. Et alors? Ma biche, c'est pas vrai, c'est pas possible. Oui. Mon biche. Après, je sais plus. Mao. Le chien, moi. Mao. Ouf. Petit Delon. Delon, je vais le faire de loin. Je vais le faire de loin. Allez, de loin, pas grave. Eh oui, toc, toc, me voilà. Cause pas la porte. Allô, allô, ici la Terre. Sur cette phrase, j'embrase. Si je reste en isolement, je crame le CMP. Oui. Est-ce qu'on pourrait peut-être parler dans des langues inconnues, que personne n'entende rien? La rue. Combien de frères a-t-elle emporté? On a-t-elle eu et abattu? Le soir, trop tard. Si t'as pas tes papiers, après minuit, t'es dans le Grisby. Maintenant, je vais laisser la parole à monsieur Simon Raymond. Oui, il est où, Simon Raymond? C'est vous, monsieur. C'est moi, Simon Raymond. Voilà, c'est moi, Simon Raymond. Alors, je voudrais écouter un peu qu'est-ce qui passe par la tête. Si on ferme chacun de nous, on ferme les yeux et on dit des choses inconnexes. C'est-à-dire, dire, vas-y, Florent. Mais il faut que tu prennes le micro, là, parce que... Attends. Attends, attention, attention avec les câbles, parce que c'est la salade des câbles. Attention, attention là. Attention. Merci, Mohamed. Ça ira. Attends. Tire pas. Tire pas là, parce que là, on a les... Là. Attends, il faut que tu avances, Flan. Ah, ça, c'est toi? Quoi? Non, pas horrible, un truc... Pas un truc horrible, allô. On dit ce qu'on veut. Bon, allô. Ça peut être beau, ça peut être pas beau, vous voulez, quoi. Attendez. Allô. Vous m'entendez dans oui, la radio? Oui, on t'entend. C'est monsieur Florent Twill. Bah, je voudrais vous dire que là, j'ai une grosse pensée pour mon père qui est en CD et voilà, en centrale, quoi. Je vais pas vous expliquer le truc. Hein. Après, si vous connaissez pas, c'est votre problème. Hein. En tout cas, il est en CD et j'ai une grosse pensée pour lui puisqu'avant, j'allais le voir au parloir à Fleury-Mérogis. Je me déplaçais tous les matins à 5h, 6h du matin. J'arrivais sur le parking une heure après, j'attendais jusqu'à 8h20 pour être devant la poste, devant la porte, pardon. Et après, j'attendais jusqu'à 9h le temps qu'il ramène pour le voir. Et là, tout ça, ça se fait pas. Il n'y a pas de parloir. C'est décevant, franchement, la vie, là. Quand je voyais mon père, ça me faisait du bien, là. Ça me fait plus de bien, là. Ça a commencé à m'énerver. Mais bon. Mohamed qui pose des poèmes sur Florent. Ouais, tous les poèmes. Voilà, poètes. Mohamed, il m'a compris. Bah, pourquoi t'as mis ça sur moi, Mohamed? Parce que c'est un poème qui nous dépose, il nous apporte un peu de la poésie. Tiens, Mohamed. Voilà. Je te regarde. Et là, on entend Mathilde. Okay. Mathilde va fermer les yeux, il va faire un catap dans sa tête. Vas-y, Mathilde, on t'écoute. Devant ce miroir, cette rue, le certain Laurentin, bonjour Saint-Honoré, ça arrive ici. Prends le micro. Tu fermes les yeux, tu dis ce que tu veux avec une langue inconnue et même pas articulée. Bonsoir. Je finis chez Delannoy, à Bizerte, en Tunisie. J'habite à 6 km du pont. Zarzouna, code postal 70-21 Dijon, la moutarde. Voilà par exemple. Qui enchaîne là? Non, moi je trouve ça super parce que là il va faire beau jusqu'au mois de septembre. Je veux dire que ce que Mohamed il a dit, je respecte. Et qu'est-ce que je voulais dire? Moi, là, actuellement, je suis à la campagne, quoi. Je suis à la campagne, si je veux, je pense même au Fiat Sedici, à la ferme, au 3. Tu connais Fiat Sedici, même, si tu connais? Je connais très bien. SUV. Ouais, je connais SUV, moi. Ah, c'est qui? Macaya. Macaya. Tu connais... La SUV de Bondy. Attends, attends. 3008. Ouais, la police de Bondy, maintenant, elle a une Peugeot 3008. Allez. Un gros 4x4. Ils m'ont chopé avec ça, en plus. En plus, ils m'ont chopé avec ça quand j'ai fugué de l'hôpital psychiatrique. Ils m'ont chopé avec ça. Mais bon, c'est pas grave, je les pardonne. Là, j'ai retrouvé mon docteur Serra. Je suis content. Et voilà. J'espère le revoir bientôt. Ok. Merci. Oui, Florent. Ouais, dédicace. Bon, Macaya, on va faire. Et puis Mathilde, alors qu'est-ce qui s'est passé? Tu allais faire un poème automatique? Voilà. Mais Mathilde, c'est toi d'abord. Et après, c'est Macaya qui va enchaîner. Vas-y. Ouais. Mais non, un poème automatique, non. Moi, je vais préparer pour la semaine prochaine. Automatique, non, ça nécessite que je me concentre 5 minutes. Si une idée vient, ça ira. Mais là, moi, je trouve ça bien parce qu'il va faire super bon et super beau jusqu'à mi-septembre, octobre. Et c'est la saison où on se prend le moins la tête, je trouve. Voilà. Pardon, Margali. Ok, merci, merci. Bon, alors, on a encore 7 minutes sur Metanoia. Il y a un duo là, Macaya et Siol, c'est ça? Siol, c'est ça. Siol et Macaya, et on va faire. Vous pouvez présenter. Hein. Tu as un micro là, prends le micro. C'est le 1. Attends, je vais essayer le son. Macaya, vous connaissez déjà, et là je suis avec un nouvel ami. Siol. Et ça y est. C'est parti. Avec l'instru. C'est parti, on attend l'instru, et puis après. L'instru, elle est prête. Siol et Macaya. Le câble pour le son. Il est où? Salut Florent, à la semaine prochaine, salut pour les prophètes. Ok, on va finir aussi peut-être avec ce freestyle et Dominique va faire le bruitage. Ah ouais, ouais, bruitage de fond. C'est la danse des canards qui en sortent de la mare, se secoue le bas des reins en faisant coin coin. Allô, allô. Aou, je suis le loup. Aou. Aou. Aou. On reconnaît Daffy Duck. T'as reconnu, c'est bien. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Pour le moral, pour le moral. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Pour le moral. C'est bon. C'est bon. C'est bon pour le moral. C'est bonbon. C'est bonbon. Ça grignote, ça grignote. Ça clignote. Yeah, yeah. On va partir dans du love à love. Yeah. À toutes ces femmes égarées. Bien. Lucioles. On a tous des lucioles dans la vie. On a tous des lumières. Ciel. Ciel. Ciel, tu dis quoi, mon frère? J'attends, j'attends. Moi aussi, j'attends le début de l'instru. Le bam bam. Le truc qui résonne. Parce que là, on est en déclaration d'amour, apparemment. Boum! Alors ça fait. Ça fait boum boum boum dans ma tête. Ça fait boum boum dans ma tête. A chaque fois que je te vois, c'est un véritable casse-tête. Ça fait boum boum dans ma tête. Ça fait boum boum dans ma tête. A chaque fois que je te vois, c'est un véritable casse-tête. Ok. Ça fait boum boum dans ma tête. Boum dans ma tête. À chaque fois que je te vois, c'est un véritable casse-tête. Attends, mais j'entends même pas les basses, mec. Ok, ça. Ok, Ciel. Ouais. L'autre jour, j'ai vu une femme. Je l'ai entendue. Elle appelait à l'aide son conjoint la frappait. J'avais pas quoi faire. J'avais pas quoi faire. Fallait tirer à volonté. J'ai entendu des gens crier au loin, lui répondre de fermer sa gueule. Tire au loin, tire au loin. Pour eux c'est normal de frapper une femme. Mais qui trouve ça normal de frapper une femme? Non. Je trouve pas ça normal de frapper une femme. Et quand la lumière se déchaîne et qu'elle enlève parfois la chaîne, mais quel chien, et quel chien je suis. Elle est partie voyeur, et moi je suis parti voir pour une meilleure. Elle est partie voyeur, et moi je suis parti pour le meilleur. J'ai que des suspicions, mais dans ma tête c'est la malédiction. Paranoïaque, je suis un vrai démoniaque. Je connais quelque chose de la vie, je l'ai appris en Afrique, c'est le partage. La musique, c'est le reggae, pour un monde meilleur. Mais parfois j'ai l'impression que t'as raison. À quoi bon taper la femme si on part pas en prison? Une minute. Ok. Non, c'est pas normal. Non, c'est vraiment pas normal. T'as beau avoir l'esprit divisé, l'esprit mitigé, au fond de toi tu sais qui tu es. Le message vient de l'intérieur. La lumière est extérieure. Accepte-toi comme tu es. Yes, I big up in Adinaya. Acceptez-vous comme vous êtes. Oui. Bravo. Bravo. Super. Magali, tu peux fermer l'émission là. Il reste 10 minutes. Mathilde, Nadine, qu'est-ce que vous voulez dire? Florent. Bah, s'il faut parler un petit peu, je vais faire un petit hommage à la demoiselle qui est en face de moi, qui a parlé de sa grand-mère parce qu'elle a failli me faire pleurer tout à l'heure. Ouais, donc voilà, je te fais un petit signe de cœur parce que je voulais te le dire. Du coup, j'ai un micro, bah, je te le dis bien fort. Je peux marcher. Vas-y. C'est Florent. C'est Florent Dom. Attends, Dom. Voilà. Attends, Dom, pourquoi tu répètes ce que je dis? C'est notre bruteur en chef. Radio Métanoïa en direct. On dit au revoir à la semaine prochaine. C'est Florent, à plus tard. C'est Florent, à plus tard. Juste un petit message, s'il vous plaît. Voilà, donc moi, si vous voulez m'aider, il y a un truc qui me dépanne, c'est des t-shirts. Et voilà. J'ai besoin de t-shirts et de suite avec une glissière. Donc si vous avez ça dans vos armoires, que même si c'est un petit peu abîmé ou c'est pas grave, ça m'arrangerait vraiment quoi. Merci Mohamed. Voilà. Radio Métanoïa, c'est fini. Pedro, tu veux dire quelque chose avant qu'on quitte là? Tu prends un micro là un petit peu. Docteur Serra. Bonjour. Je suis arrivé un peu tard. C'est dommage. J'avais une idée. Mais ça va rester pour la semaine prochaine. Merci. Voilà. À la semaine prochaine, Métanoïax. C'est quelque chose qui m'a toujours choqué, donc voilà. Je vais écouter.